Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Maxime Godette-Blais. Merci pour ton don, Maxime. Rétro Nouveau. Salut et bienvenue à ce, c'est quoi, 15e épisode de Rétro Nouveau. Ouais. Tabarnouche, c'est le fun d'être de retour. On n'était pas là la semaine passée à cause de nos multiples problèmes. Ouais, on a eu bien des problèmes qui sont maintenant réglés d'ailleurs. Donc, si vous écoutez ça présentement, c'est vous l'avez downloadé en à peu près 5 minutes. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Ah, ça se fait vite, là. On c'est est back on track, là. Ça fait vraiment du bien. Ce qui était temps, j'étais tanné, là. Puis... Ben, on était otage de l'hébergeur qui nous a jamais redonné de nouvelles. Puis là, ils ont donné des nouvelles comme par magie. Puis ils se sont vraiment grouillés le cul, puis ça allait vite. Donc, vraiment, ils répondaient aux 15 minutes. On a réglé le trouble. Donc, vraiment, on est de retour. Et maintenant, ça nous coûte plus cher d'ailleurs pour héberger. Pour héberger. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'on a mis un petit bouton faire un don. Ouais, là, faire un don. Donc, si jamais ça vous tente de nous encourager, c'est ça. On prend les dons vraiment. C'est à votre discrétion, vraiment. Là, on vous enfonce pas de quoi dans la gorge de même. C'est juste que Rétro Nouveau, on fait ça par pur plaisir, puis on le paye avec notre cash. Ah ben, en fait, on a un épisode spécial aujourd'hui. Ouais, c'est là, ça, c'est pour ça qu'on est un peu déstabilisé. Mais là, juste avant, là, j'ai trois petites affaires à dire. Ouais. Premièrement, lors de l'épisode 13, j'ai parlé d'un jeu McDonald's, Treasure Land Adventure. Puis, j'ai re-regardé les vidéos sur YouTube. Puis tu sais, je parlais de fleurs qu'on pogne pour se redonner de la life. Ouais. Puis, quand je suis allé voir sur le post qu'on a fait du show, j'ai re-regardé comme la vidéo. Puis, je me suis rendu compte que Ronald, il pomme des anneaux, pas des fleurs. Là, je sais pas s'il y en a qui sont allés voir et qui se sont dit « Voyons, on sont où les fleurs là-dedans, rien que des anneaux. » Donc, j'ai appris que dans les versions européennes et japonaises, on attrape des anneaux au lieu des fleurs. Version américaine, on attrape des fleurs. C'est un rip-off de ça. Mais tellement, mon gars, c'est sûr là, qu'ils ont enlevé ça. Aux âmes citoyens. Déjà que ça ressemblait tellement à Sonic, ce jeu-là. Puis la musique, puis le beat, puis les formes, tu sais, les fleurs, tout était géométrique. Puis en plus, c'était très coloré. Hyper coloré. C'était une explosion. Tu pognes des anneaux en plus. Donc, voilà ce qui s'est passé si jamais vous êtes complètement fucké après avoir vu le vidéo. Puis, deuxième chose, vous avez peut-être vu sur Facebook, je gagne beaucoup de trophées présentement. C'est vraiment. Moi, j'ai désactivé ça, parce que j'avais tous mes chums sur Facebook qui n'arrêtaient pas de dire comme. On sait, Georges, que tu joues à PS3, arrêtes-tu de poster de la cochonnerie? Moi, ça me fait encore un petit velours. Là, fait que je le garde, fait que t'as vu que j'ai commencé à jouer au jeu que tu m'as vendu pas cher, Castlevania Lords of Shadow. Puis, vite de même, quand tu passes Start, tu peux aller voir tes systèmes, tes affaires, tout ce que t'as. Puis tu peux aller voir la croix, là, le Vampire Killer. Puis quand tu le sélectionnes, il te donne un descriptif. Il dit « Ah, cette croix-là, c'est une relique-là qui a été faite. » La croix est faite à partir des clous fondus, des crucifiés, c'est vraiment des. Puis la chaîne, ils disent qu'elle a été faite par Rinaldo Gandolfi. Connais-tu ce gars-là? C'est qui ça? J'avais dit dans notre épisode spécial de Castlevania que dans Lament of Innocence au PlayStation 2, c'est le premier qu'il y a au PlayStation 2, c'est là-dedans qu'il explique les origines de Castlevania. Le premier, la vraie histoire, le Vampire Killer et tout ça. Qui est Dracula, c'est tout là-dedans que ça se passe. Puis Rinaldo, là-dedans, c'est lui qui crée le Vampire Killer, tu sais. Donc, dans Lords of Shadows, il en reparle. C'est bien cool. J'étais content. T'sais, moi, j'ai comme quasiment un peu une érection, même, quand ça arrive des enfants de même, qui font des liens. Je trouve ça beau qu'ils respectent l'histoire du jeu. Oui, mais il y a beaucoup de créateurs originaux qui font partie de ce jeu-là. Fait que c'est ça. Ça paraît même dans musique, dans tout ce qui a trait à ça. Absolument. Puis ils ont gardé Rinaldo, dans le fond, comme le fondateur du Vampire Killer là-dedans pour expliquer de où ça vient. T'sais, c'est vraiment juste un clin d'œil. La plupart du monde qui n'ont pas joué à la version PS2 dit que c'est ça, Rinaldo, on s'en sac. Rinaldo est à l'origine du Vampire Killer, donc... Colin, t'étais où quand j'ai fait ma critique? J'ai pas cherché ça, moi, j'ai pas vu ça. Je commence à jouer à ces jeux-là ben trop tard, là. Ouais, mais toi, t'es comme t'es un... Moi, je te nomme tout le temps l'historien des jeux vidéo. Ouais, c'est clair. Fait que c'est bon, c'est une autre vision totalement. Là. On apprend des affaires. On apprend bien des affaires. Fait que troisième et dernier point avant de commencer, il y a un party gros joueur qui va avoir lieu encore bientôt, c'est-à-dire vendredi le 9 décembre au Jackie and Judy sur Parc, au 6512 avenue du Parc à 21h. Moi, j'étais allé à l'édition numéro 2, puis c'était très bien. En fait, ça, c'est une compétition de jeu. Rétro. La dernière fois, c'était Mortal Kombat 2 au Super NES et puis GoldenEye au 64. Là, j'ai vu qu'il y a pas mal plus de jeux. Là. J'ai vu Street Fighter. C'est Super Street Fighter 4 et Super Mario Kart 64. Ok, that's it. That's it. Il y a tout le temps juste deux jeux, en fait. Mais moi, j'étais allé. TV? Il y a quelques TV avec quelques manettes. Là, je sais pas s'ils ont un nouveau setup, mais j'avais pas participé à la compétition parce que j'ai pas joué à Mortal Kombat depuis des années et j'avais pas de 64. Donc, Je voulais pas me faire torcher. Mais quand tu vas aller là puis pas te faire torcher puis pas jouer, excusez, il y a quand même des bornes d'arcade un peu partout. Il y avait Mario Bros, tu sais, puis des classiques. Il y avait une couple de NES de brancher avec la cassette de 260 jeux. Douteux.org est là. Avec ses guenilles, man. Ses affaires fucked up. Là, le musée du douteux. Fait que c'était vraiment une soirée, tu sais, pour les gamers qui ont une vie sociale, vraiment. C'est pas, tu sais, comme un party tout seul. C'est un peu hype, là. Les gars de 33 Mac qui organisent ça. C'est vraiment un nightlife, un peu comme activité. Donc, c'est très bien. Moi, si vous avez rien à faire ce vendredi-là, allez faire votre tour. Puis ils ont pimpé leur blog aussi pas mal, là, gros joueur. C'est super beau, le blog est vraiment beau. Ils ont tout amélioré ça, donc ça grossit. Je suis bien content. Donc, un événement à venir. Manquez pas ça. Crime, bienvenue à Joël Martel. Joël! Yes! Débarqué, fraîchement débarqué d'Alma. Ben, pas si fraîchement parce que t'as fait comme 7 heures d'autobus. Ouais, c'est ça, je suis pas frais, pote. Ouais, la ride de boss a pas été trop rough, pis ça venait à Montréal. Ben, c'est pas pire, j'ai écouté Lemmy. Le documentaire. Je l'ai même pas vu, je veux tellement le voir. Oui. Bon, ouais. J'ai écouté ça, ça m'a comme meublé un peu mon voyage. Puis les 5 autres heures, t'as fait quoi? J'ai joué à un jeu capoté, mon ami, là, un RPG à la Dragon Quest. Là. Ok. Mais t'as plus le nom, c'est Guardian of. Ecclesia? Non, Guardian. Guardian Saga. Ok. En tout cas, puis j'ai trouvé ça à 2$, puis c'est vraiment cool. Là. C'est pareil comme Final Fantasy 1 ou Dragon Warrior. C'est vraiment la map en tout cas. Ouais, c'est pas identique. Puis c'est ça, là, j'ai juste fait du farming. Fait que là, toi, t'es un farmer. Moi, avec chez moi, Final Fantasy 3, tu sais, je vais m'asseoir genre, puis juste farmer pendant 4 heures. Je me suis trouvé un hotspot là, parce que c'est. Il y a une babitte de temps en temps qui sort. Puis elle te donne 200 points d'XP quand t'as dessus. Fait que là, c'est ça, j'ai passé un bon. Je te dirais Allemand-Québec là. J'ai fait le même petit carré. Là, t'as décidé de commencer la quête, là, tu torchais tout le monde. Ben, c'est là, je suis trop fort. Là. C'est cool. Un beau moment dans ma vie. Cool. Fait que là, on est live dans ta chambre d'hôtel. Colin. Fantastique. 3 battes dans une chambre d'hôtel. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le rétro niveau le plus prestigieux. C'est plus prestigieux que ma cuisine ou ta cuisine. Vraiment, c'est complètement. Ben, moi, je t'avoue que je suis un peu déstabilisé parce que d'habitude, on est dans mon garage. Puis là, il fait de plus en plus frette. Ben, tu t'es installé un chauffage. Un petit chauffrette, mais. Ça fournit plus assez. Ça fournit pas assez. Puis aussi, ça paraît dans le son à un moment donné. Hein, si ta chaufferette est trop forte. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Puis là, on a de plus en plus froid. Puis là, ça va se passer dans le sol, là, probablement, pour jusqu'à au printemps. Mais. Pourquoi ça se passait dans le sol, là, hein? Pour réveiller la famille. Ouais, tu sais, le bébé en haut. Là, tu sais, les gars qui montent pisser. Puis là, il fait ça, dehors. Ben, tu sais, on a un petit coin. Un hotspot dehors. Ouais. Tu sais, que, ben, on a tout un coin d'assigné. Ah, c'est bon. Damien, c'est curieux, mais. Je pense que je l'ai jamais vu partir pisser. C'est douteux ça là. Peut-être une bonne rétention. Ouais. Ben, il a l'air très concentré pendant ses critiques. J'imagine qu'il s'est préparé un petit sac ou quelque chose. Mais moi je suis capoté parce que ce gars-là, il va être policier. Ouais. Ah oui? Moi, j'ai jamais eu d'amis. Tu sais, j'ai déjà connu un peu de monde. T'as jamais eu d'amis? Ben, d'amis policiers. Ok. Je trouve ça comme excitant d'avoir un ami que plus tard, ouais, peut-être pas te back. Que plus tard, il va te coller l'étiquette. Ouais, mais au pire, ça va être smart. Tu sais, mm-hmm. Ça va être comme, ok, man, cool. Tu sais, ouais. Ça me semble, ça fait moins mal. Là, ouais, genre. C'est vrai. Fait que non, je commence à penser à faire de quoi dans le crime organisé parce que. J'ai lui qui est policier, okay. J'ai une de mes amies qui est procureur de la couronne. Fait que là, tu mets bien tout bien. Ça de même, hein. En tout cas. C'est le même qu'on se parle d'un réseau. Ben oui. Ben oui. Tu sais, Saint-Turo 3, ça me donne. Ben mais non, c'est sûr. Puis, Colin, c'est ça, ça fait. Mais nous autres, c'était un choix naturel. Ouais. Pour le premier invité de notre podcast, parce qu'on aime super gros ce que tu fais. C'est vraiment, on est. Moi, tu le sais, je suis un fan depuis le jour 1. Je vous suis depuis le début. J'ai fait votre logo. J'ai vraiment trippé. Là. Moi, je trouve ça weird parce que je vous écoute comme je vous écoute tout le temps en faisant la vaisselle. Ben, on peut faire de la vaisselle si ça fait plus malaise. Il y a un juste là. Mais tantôt, quand vous êtes arrivé, j'étais déstabilisé. Ouais. J'étais comme dans mes oreilles. Là, j'étais man, ça marche pas. Je suis visuel d'habitude. Mais, c'était fucké au début. Ben oui. Non, moi, je suis bien content parce que je te trouve vraiment marrant là, dans tous les épisodes. Puis moi, avec, je vous suis depuis le premier show, dans le fond. C'est Bruno qui m'a signifié votre apparition. Fait que je t'allais écouter ça. Ça fitait un peu pendant mes vacances, d'ailleurs, quand vous avez commencé l'épisode 2-3, je sais pas quoi. Puis là, j'étais comme à l'extérieur chez nous. J'avais hâte de revenir là, pour écouter vos nouveaux shows, là, finalement. Et fait que non, vous avez... Mandé, ça a dérapé pendant quelques épisodes, là, mais on a... Tu sais, grâce justement à vos commentaires. Non, mais c'est. Mon commentaire. Ouais, Dominique, puis son commentaire de feu. Non, mais c'est ça. Il n'y avait pas aucune haine. Non, non, mais c'est ça. Mais dans cet univers-là de podcast, je trouve que c'est une belle communauté. Oui. Puis c'est le fun de prendre les commentaires. Tu sais, c'est ça, totalement en laisse. Mais les prendre, tu sais, comme on regarde, nous autres, là, cette semaine, là je suis pas là, Daniel, il est parti sur une balloune, puis il a dit, hey, dites-nous. Il nous avait dit ça, moi, j'y avais répondu. Il y a des affaires, moi, j'ai tombé sur ça aujourd'hui dans l'autobus, puis il y a des trucs, je vois qu'il y a d'allure, tu sais, puis comme par exemple, nous autres, on a comme un intro qui est full longue, on dit tout le plan de l'émission, on s'est jamais arrêté à se dire, ça n'a pas rapport, on n'a pas besoin de le faire. Mais non. Tu sais, des fois, tu rentres dans un pattern, puis tu te reposes, Fait que là, à partir du prochain épisode, on va tout de suite commencer par la conclusion. Non, parce que des fois, le trouble d'un podcast, puis même à la TV, c'est la même affaire. Moi, c'est une des affaires que j'ai appris à TV, c'est oublie pas qu'il y a du monde à l'autre bout. Parce que des fois, t'es tellement submergé par ton sujet, puis tu tripes, là, tu veux dire plein d'affaires, puis tout, mais. Faut pas que t'oublies qu'il y a d'autres mondes, tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression, moi, il y a des podcasts que j'écoute, tu sais, je nomme aucun podcast, mais il y a des podcasts autant aux États-Unis qu'au Québec que j'écoute, puis à un moment donné, je fais comme, ok, lui, il est. Tu sais, il parle tout seul, là. Il y a personne vraiment qui. Il n'a pas l'impression qu'il y a personne qui l'écoute. Il s'écoute, il répond à ses questions, tu sais. Fait que c'est plate dans ce temps-là quand il y a des trous. Mais dans 50 ans, là, il y a des anthropologues qui vont étudié ces podcasts-là. Ouais. Tu sais, peut-être c'est les montagnes de demain. Hein? Les aisselles. Ça, ils vont se dire pourquoi ils faisaient ça. Tu faisais une maudite scène avec ça. Le monde avait rien à faire. Quelle perte de temps. Mais tu sais, c'est. En plus, sur des jeux vidéo. Ouais, c'est ça, c'est des jeux vidéo. Ah non, vraiment, là, c'est, je sais pas. Mais il y a comme un. C'est ça, il y a une grosse explosion de podcasts. C'est le fun, tu sais. Il y a plein de monde qui s'essaye. Nous autres, ça nous fait triper. T'sais, moi, je suis content parce que j'en découvre à tous les jours des podcasts québécois. Là, ouais, parce que t'as mis le monde sur la piste de Trois Bières qui sont super sympathiques. Ouais. Puis j'ai eu vent là, qu'il y en a un nouveau qui allait starter, mais. Tu sais, c'est quelqu'un qui m'en a dit ça un mot, mais je le mettrais pas dans l'eau bouillante, là, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, c'est le fun de savoir ça, là. Non, c'est vraiment cool, parce que... Puis aussi, comme on a dit l'autre fois, il y a Richard Sigouin, lui, qui a fait une liste des podcasts québécois, parce que c'est pas évident, mettons, tu vas sur iTunes de trouver un podcast en français, déjà, là, c'est... C'est pratiquement impossible. Moi, j'ai découvert Pas de problème aussi, récemment, qui est pas mal le fun. Fait que, tu sais, il y en a plein, puis c'est cool, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est un milieu qui est encore en ébullition, puis qui va l'être encore. Parce ça va remplacer la radio, là, éventuellement. Ben, honnêtement. Ben, c'est comme les shows sur Internet, tu peux dire et faire ce que tu veux sur un podcast, il n'y a pas vraiment de loi. T'sais. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, si tu fais un show qui est intéressant, ben, le monde va l'écouter. Ouais. Puis si m'en est, ben, tu sais, justement, tu te mets comme à prendre pour acquis que c'est intéressant ce que tu fais, ben. Tu sais, il y a comme une autorégulation, le monde va faire « Ben regarde, man, oublie ça, moi je l'écoute plus chaud. » Exact. Ouais. Puis c'est le fun, il faut pas perdre ça de vue. Puis tu sais, toujours se dire « Écoute, c'est pas parce que mes deux derniers shows étaient bons que, tu sais, que le prochain va être bon juste parce que, tu sais, je suis là, là, tu sais. » Ouais. Puis non, c'est trippant comme milieu, puis j'aimerais, je suis curieux de voir à un moment donné, je comprends pas comment ça se fait que c'est le jeu vidéo. Peut-être qu'il y en a d'autres, as-tu essayé de trouver des podcasts sur la connexion de roche? Ben moi j'aime les films d'horreur là, au bas. Ouais, moi aussi. Puis il y a horrorweb.com. Tu veux, je connais pas. Ben les autres sont vraiment drôles. C'est le dernier podcast sur la gauche en tout cas. Okay. Tu sais, vraiment, puis c'est très c'est low-fi là, c'est vraiment TP poche là, l'affaire là. Mais les propos sont intéressants. Ah, c'est super. Puis tu sais, ils parlent de films vraiment, là, que, tu sais, là, des films pointus, là, d'horreur, là, que, ça, c'est une, puis il en parle avec un humour, des fois, qui est super décapant, puis... Ah, c'est cool, ça. Ouais, puis non, eux autres, là, moi, c'est eux autres qui m'avaient comme influencé à me dire, là, m'en faire un, moi aussi. Ben oui. Tu vois, c'est ça qui a de le fun aussi. Dans les podcasts, tu peux aller chercher vraiment ce que tu as envie d'entendre. C'est pas clairsemé là, au travers d'un paquet de musique que tu n'as pas envie d'entendre. Ou de, t'sais, comme c'est right on le sujet que tu veux. Les jeux vidéo, les films d'horreur. Il y a aussi, c'est ça, c'est pouvoir au peuple là, finalement. Ouais, là, n'importe qui a sa voix. Puis des fois là-dedans, tu te rends compte qu'il y a des petits bijoux, là, des gens qui ont aucune expérience, admettons, en journalisme ou dans les médias ou quoi que ce soit, puis que finalement tu te dis, Christy, t'es cohérent ce gars-là. Ouais. Fait que non, moi je trouve ça super le fun. Puis d'ailleurs, un truc pour les podcasts que je me suis rendu compte, c'est d'écouter son propre podcast. Ouais. T'sais, j'aime ça écouter mon podcast. Moi, ça me fuck encore de m'entendre parler, je te jure. Là, les deux premiers épisodes, là, je m'écoutais, j'ai toi, t'es habitué, Mais moi, c'est moi qui nous monte aussi. Ben ouais, c'est ça. Ça sonne très mal, d'ailleurs. J'ai réalisé que j'avais un gros accent aussi. J'ai certainement un accent que je me rends pas compte. Là, Mais il est délicieux, ton accent. C'est beau. Moi, je l'écoute à chaque semaine, parce que je le monte aussi. C'est ça. Tu sais, des fois, là, crime, je fais des sauts. Tu sais, comme il y a deux semaines, je montais l'épisode, puis j'étais à blinde. C'est quoi qui m'a pris ce soir-là? Je sacrais aux deux minutes. Tu sais, c'était vraiment pas de classe. Ouais. Tu sais, je me disais, OK, tu sais, en plus, c'est moi qui avais dit à Dan au début de Fun Joyeux, j'avais dit, tu sais, les sacs, c'est pas nécessaire. Là, il faut doser, t'en mets quand personne s'attend qu'ils sortent, là, là, ça punch. Puis là, tu sais, gros mauvais prof, là j'ai c'est bien, tu sais, c'est vraiment trop, là, tu sais. Écoute-moi bien, Daniel. C'est une espèce de mentor, de ouais, on se laisse aller plus. Moi je me laisse aller plus, on dirait, aussi, depuis que ça avance, là, au début, je voulais comme, tu sais, faire attention, puis tout. Puis à cette heure, comme, prends ça pas mal plus relax, là. Ben, il faut. Je sais pas si ça paraît ou pas, mais moi, tu sais, j'hésite pas à sacrer des fois. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai comme un gros client. C'est mon gros client, là. Il paye ma maison, là. T'sais, okay. Genre, il va peut-être m'écouter là, présentement. Fini non, la relâche. C'est ça, mais il m'a dit qu'il m'écoutait, tu sais. J'étais au bureau. J'étais allé les rencontrer, j'étais au bureau, j'étais hey boy, tu sais, des fois, on a parlé de poche quand même. Des scrotums, on sacrait, tu sais, puis tout ça. Puis tu sais, quand je vais voir le client, tu sais, je suis propre là. J'ai parlé de tout. Donc puis tu sais, mon beau-frère aussi, là, moi, à la maison, tu sais, je parle jamais comme ici, là, tu sais, je suis pas mal plus contrôlé, sans que c'est pas un effort non plus de se contrôler, mais ici, je me laisse aller carrément. Donc là, c'est vraiment bizarre. Mais en même temps, je trouve ça bien de se laisser aller, parce que mon gros client me disait ça aussi. C'est la vraie nature, là. Ben, c'est pas tant, tu sais, on s'est quitté, Dominique, mais c'est il y a comme une communication, puis un certain buzz, tu sais, que tu perds quand tu te contrôles trop, puis ben t'essaies d'avoir de l'eau, trop l'air corporate d'un coup qu'un jour le show se fait acheter, tu sais, ou des, tu sais, comme faut se laisser aller là vraiment. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, tu pars de l'idée que tu sais là, si m'emmener y a un gars, je sais pas là, qui a de l'argent, puis qui a comme un peu viré sur le top, puis il décide de produire plein de tous les podcasts, hey man, tout c'est bon, je t'apprends, je te produis, puis tu sais, ouais. Je veux dire, si y a un gars qui est assez ouf pour le coucou pour le faire, tu sais, ben autant que les podcasts on se dit ben regarde nous, on va s'assumer comme on est là. Exact. Le seul gars, tu sais, il sait ce qu'il achète. C'est ça. Non mais c'est ça aussi, tu sais, si dès le départ t'es pas toi-même, mais en même temps tu pourras, puis si ça va plus loin le truc, tu seras jamais toi-même, tu vas être malheureux, ouais. Ça va être tough là. Non, parce qu'il faut que ça soit le fun. Comme j'ai dit tantôt, faites pas de maudite scène avec ça. Ben non, c'est ça. On n'est pas venu ici là, pour pas avoir de fun là, dans ta chambre d'hôtel de luxe. Ouais. Ben ouais, Colin. On a-tu l'air big? Ouais, vraiment, là. C'est tabarnouche que c'est big. Je vais me faire un espresso tantôt en deux, en deux cas. Non. C'est parti. Yeah. Fait qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. sérieusement, c'est les. C'est, dans le fond, Joël, à un moment donné, t'as allumé une ampoule dans ma tête, c'est incroyable. T'as dit, moi je trippe, c'est déjà à 7.5, ça me parle. Yes. Puis on se demandait, tu sais, est-ce que vous vous fiez aux notes? Est-ce que vous allez voir sur une Metacritic? Est-ce que une note peut vraiment vous influencer pour acheter un jeu? Est-ce que c'est juste un jeu à un 9 et au-dessus d'un 9 qui compte? Ou si c'est un 6, c'est encore un bon jeu, tu sais? Ouais. C'est ça. Fait que, justement, on va commencer par notre invité d'honneur. Ouais, écoute, c'est venu par les choses, la force des choses, parce que... Moi, un jeu qui m'a bien marqué, puis que j'en parle tout le temps, c'est Enslaved. Ouais. J'ai vraiment aimé. Il était carré Enslaved, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis après avoir joué Enslaved, j'étais allé voir les critiques, puis j'étais resté bouche bée, tu sais, d'avoir 7.5. Hein, ouais. J'ai pas de bon sens. Ça me fait de la peine un petit peu. Ouais. Puis, à un moment donné, je suis parti sur une chire que je me prenais juste des jeux cotés 9.5 puis 10. Pour en me disant, tu sais, je ne peux pas me tromper. Ouais. Pis, étrangement, j'ai jamais eu pas de fun de même dans ce temps-là. Ah ouais, comme ça? Ouais, jamais eu autant pas de fun que Caline. Ça. C'était tous des jeux que je comprenais que le monde donnait 9.5, 10, mais ça m'allumait pas en tout. Tu sais, ça va pas chercher, moi, ce que j'aime dans un jeu. Ben plus. Ouais, ça dépend. C'est ça, ça dépend du genre de jeu. Battlefield est sûrement bien coté, mais moi, je vais pas l'acheter, même s'il est 9. Ben c'est ça, il est bien coté aussi pour des raisons comme moi, mettons, Skyrim, ça me parle pas pantoute, pantoute, pantoute. Ouais, moi, non, là, je sais un peu dans quoi je risque de m'embarquer, là. Oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'aime ça lire, tu sais. Fait que je me dis... Tant qu'à m'embarquer dans quoi qui va monopoliser ma vie, puis qu'il va falloir, tu sais, j'apprenne presque une encyclopédie pour comprendre. Ouais. Ouais. Tant qu'à ça, tu sais, m'a pogné un livre de je sais pas, de Charles Bukowski, puis tu sais, m'a lire le même temps, ouais, ça va être super. Mais non, c'est gros. Mais ce que j'ai remarqué, c'est souvent les sites comme IGN, mm-hmm. Tu sais, ils vont mettre le pointage sur la technique. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Les graphismes, après ça, la musique, la durée de vie. Ça, le monde capote avec ça, la durée de vie. La durée de vie, ça, c'est... Faut que t'en aies pour ton argent. Faut que t'en aies pour ton argent, mais moi, je suis tanné aussi de ça, tu sais. À un moment donné, quand ça fait... Moi, je suis même. Quand ça fait 15 heures sur un jeu, mettons, un jeu d'action, là, ouais. Après ça, là, c'est... Ouais. On passe à d'autres choses. J'ai hâte de passer au prochain. C'est ça. Ben parce que là, il y a juste Zelda, pas le temps, justement, je vais en parler tantôt, mais Zelda, c'était un peu ça, tu sais, c'est 40 heures bien loadées, tu sais. Moi, j'ai vraiment embarqué, puis j'ai trippé au bout, mais après ça, une fois que t'as fini, tu peux recommencer, tu sais, un Hero Quest, tout aller chercher les affaires. C'est pas pour moi, pas en tout. Ben, moi, c'est pour moi, mais je me dis que je vais le faire plus tard, tu sais, à la retraite. Mais c'est ça, c'est pour ça que je les garde, ces jeux-là. Parce que à un moment donné, j'achète beaucoup de jeux auxquels j'ai même pas le temps de jouer. Puis Metal Gear, mettons, ben je sais que j'aurais jamais le temps de jouer à ça, de m'embarquer là-dedans maintenant. T'sais. Imagine si je voulais faire la critique de ça. C'est impossible. Faudrait parce que je joue des shots d'une heure, deux heures. Ouais. J'ai pas le temps là, de m'embarquer dans des histoires épiques comme ça. Mais c'est ça, tu sais, en avoir pour son argent, c'est tellement relatif. Là, ben, donne-moi 5 heures de pur fun, puis ça me dérangera même pas de payer 50 Ça, ça revient à le dernier là, Infamous Festival. Festival of Blood. Il est super. Moi, je pensais que j'avais passé à côté des choses, puis quand j'ai pogné ta critique à Monsieur Nat, j'ai dit, man, on avait vraiment le même minutage à la minute près. Là, okay. Puis pour le prix, t'sais, c'est 10$ pour 3 heures. Pour bien des jeux, t'sais, on ferait ça pas de bon sens. Mais le jeu est tellement cool, trois heures et demie sont tellement tripantes que t'en as pour ton argent, tu sais. Fait, moi, de toute façon, comme ma théorie sur l'argent, c'est que quand un jeu sur 10, tu sais, un jeu que tu vas payer sur 10, quand il t'en revient à 5$ de l'heure, c'est pas cher à payer. Non. Puis quand c'est un jeu que tu peux downloader qui coûte 10$, si ça te revient à 2$ de l'heure, c'est correct. T'en c'est ça. Pour ton argent. Ah ouais, vraiment. Là. Moi, je me rappelle quand j'avais joué au Galax. Ben, nous autres, dans mon coin des arcades, c'était le Galax. Ok. Tu sais, hey, ça a 25 cents dans la game. Ouais, là. C'est ça que ça va avoir. On payait des games, c'était des games assez courtes quand même. Là. Ouais, c'était pas long. Les machines étaient riguées aussi pour que ça soit plus difficile. Pis, Un combat de Mortal Kombat, là. Quand tu joues contre le grand levasseur qui est sa mescaline, ça fait un an là, qu'il joue juste à ça. Ah, là. On va dire que Nawar pour son argent, là, c'est pas long à 25 cents. C'est bon, oui. Ah, oui. Ben, tu sais, moi, quand je vois les critiques, pis tu sais, que genre, la durée de vie va super influencer la note, ben là, je me dis, man, c'est. T'sais, c'est relatif. T'sais, moi, dans le fond, je joue pour avoir du fun. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui me font triper, pis les graphistes sont vraiment juste. Ben, c'est pas obligé. Ouais. Moi, justement, en jouant à ben du rétro, tu sais, on s'entend qu'un jeu de NES, c'est pas ce que le plus beau, là, mais il y en a des jeux de NES qui torche, tu sais, des jeux contemporains là, ça n'a pas besoin d'être beau. C'est pour ça je trouve aussi, mettons, toute la haine envers la Wii juste parce que c'est pas HD, tu sais, c'est tellement pas correct de dire ça parce qu'il y en a des jeux là-dessus qui sont bons, tu sais. Le graphisme ça influence très peu en fait. C'est le fun quand c'est beau, on s'entend. Ben moi des fois c'est que ça fait le contraire. Des fois c'est vu que je suis designer graphique. Ouais. Des fois c'est l'art qui m'amène à jouer à un jeu même si le jeu m'intéresse vraiment pas au départ puis que le, tu sais, je trouve pas ça intéressant, tu sais, c'est comme il y a des jeux qui sont beaux puis que tu vas y aller parce que c'est spécial, comme Okami ou ben Limbo, tu sais. Limbo, c'était direct ça. Moi, j'ai vu un screenshot de Limbo, genre, je veux jouer. Mm. Tu sais, c'était littéralement ça. J'avais pas vu de critique encore ni rien, tu sais. Insanely Shadow Planet, je pense, je sais pas trop. Que sur XBLA aussi, tu sais, c'était juste le visuel était super intéressant. Fait que, tu sais, ça me tentait. Mais moi, ben des fois, les critiques, tu sais, je suis tout le temps à demi-mesure, surtout pour par rapport à Metacritic, parce que des fois, t'as du monde là-dedans, là, c'est un gars au Paraguay qui a un blog à quelque part, puis là, lui, il a décidé là, qu'il met 32, mettons, à Crysis, tu sais. Fait que là, tu fais comme, ah, oh, merde, puis là, ça descend la note au bout. Puis t'as du monde, sinon, des majors comme IGN, qui, eux autres, ont visiblement des commandites puis plein de trucs comme ça derrière eux qui fait que t'es jamais sûr de leur opinion finale, tu sais. Ben pis surtout dernièrement IGN là, ça fait comme 2-3 fois que c'est croche, tu sais. Là ben moi depuis que je fais fun jouer jeu, j'essaie depuis pas en tout aller voir les critiques à part quand j'ai c'est à cause de toi. Parce que je t'avais entendu dire ça puis ça m'a fait réfléchir, je disais, ah moi man, je me tiens loin de ça. Puis tu sais, je suis comme ton disciple. mais après avoir joué au jeu, je vois le checker. C'est clair. Des fois, me dire, tu sais, je suis vraiment dans le chien. Puis IGN, là, depuis un bout, on dirait que je sais pas, j'ai trouvé louche. Tu sais, Uncharted 3, là, on s'entend, là, on a pas toute la même opinion, mais. Mais quand même, un 10, je trouve, c'est quand même. C'est beaucoup. C'est trop pour un shooter. Ouais, puis 10, c'est plus le 10 partout qui est traumatisant. Puis. Mais tu sais, regarde, ben, en tout cas, ça, je trouve ça louche. Mais regarde, c'est ça qui est drôle, elle est noire. Regarde, elle est noire, qui est pour moi. C'est pas pour toi, le jeu. C'est le jeu le plus En tout cas, je vois, c'est pas mon podcast, plate, c'est une nature morte, tu m'as dit. Ah, c'est dole. Mais bon. Même moi, là, elle est noire, c'est parce que je me suis fié à tout ce qu'on a vu auparavant de Rockstar. Je me suis dit, ça va être le meilleur jeu de tous les temps, là. C'était merveilleux. Puis là, c'est arrivé, puis j'ai joué, puis il n'y avait pas de critique au moment où j'ai joué encore du jeu. Fait que je joue, puis là, je fais comme... Crime, c'est normal, j'embarque pas, je trouve ça plate pour mourir. Pourquoi c'est long? Pourquoi j'ai pas de fun, pantoute, là. C'est ça. Puis là, tu regardais les critiques, là, puis si tu vas sur Metacritic, là, il y a 90 de moyenne, ce jeu-là. Mais ça, là, c'est là que ça me fait penser à ma fameuse théorie des 7.5, c'est que, ouais. Tu sais, justement, Eleanor, pourquoi qu'il se ramasse avec un 9? Moi, je me rappelle, j'écoutais tous les podcasts, les émissions qui en parlaient, il décortiquait le jeu, tu sais. Ouais. Puis le meilleur exemple, là, c'est pour le monde, c'est s'ils peuvent tomber sur l'épisode dont on n'a pas honte, qu'il l'avait critiqué, c'était Charles qui l'avait fait. Mm-hmm. Puis tout le long, il est comme mi-figue, mi-raisin, là, tu sais. Charles, ouais, il en parle, puis il dit, ouais, non, ça, c'est, tu sais, ça, c'est plate, ce côté-là, ça, c'est pas trippant, ça, c'est un peu décevant. Puis finalement, à la fin, Charles, il a comme été fourré, obligé de donner comme un 9, finalement. Parce que, même si c'était plat, techniquement, tu sais, puis ça me fait penser comme si que dans la boîte de prod, ils ont dit, OK, les critiques, ils se basent sur ça, tu sais, quand ça c'est fait, mettons un check pour ça, c'est fait. Puis ils font le jeu à partir d'une grille, puis ils disent, OK, tout ça c'est respecté. On va avoir un 9, c'est sûr. Ouais, puis là, il y a d'autres qui font, mais il est plat, on stifie notre jeu, puis là, ils partent à rire en faisant ma compte. On est riches, on s'en fout. La lumière en dessous de la face, mais. Non, mais c'est ça, mais en même temps, là, ça pour. Justement, pour revenir là-dessus sur Les Noirs, l'affaire, moi, que je trouve encore plus épouvantable de ce jeu-là, c'est que. Toutes ces critiques-là qui ont donné un 9 puis un 8 sont toutes revenues sur leurs paroles. Ouais. Ils ont toutes dit après coup, ah, finalement, c'est comme ça. Veux-tu dire que les critiques, ils jouent pas au jeu au complet? Ben, fort probablement. Y a, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont jouer à la moitié du jeu, puis ils vont faire comme, OK, j'en ai assez vu, on peut sortir la critique, puis ça sort au plus vite. Il y a des jeux qu'il faut que tu joues longtemps, des fois, pour découvrir toute la monde. Des fois, ça démarre à quatrième heure, là, ça commence. Même dans l'histoire, à un moment donné, il peut se passer de quoi de terrible, là, à la fin, là, tu sais, ça change tout. Red Dead Redemption, ça a été un gros travail pour moi. Ça a été long aussi d'embarquer. Moi, je te dis, là, ça a pris un bon 4-5 heures de jeu, là, que... Il fallait que je me batte pour embarquer dedans. Mm-hmm. Quand j'embarquais dedans, c'était quelle aventure dans une vie. Ouais. Puis il y a des jeux, des fois, que... Tu sais, là, j'ai tellement du fun là, quand je commence à jouer. Puis là, je me dis, oui, mais je veux pas que ça s'arrête. Puis là, tu sais, là, qu'ils t'en ont trop mis dans les deux premières heures. Ouais. Puis là, finalement, tu recommences à jouer 2-3 jours après, puis tu te rends compte que... Tu sais, c'était ça le jeu, là, tu sais, on t'a mis de la poudre aux yeux, mon ami, pour que t'ailles louer le jeu, puis tu l'achètes après, puis quand tu l'achètes, tu fais « Ah, fuck! » Tu sais, mais, fait que des critiques, comme tu dis, j'ai l'impression des fois que, ou bien, ils se font envoyer un disque, un best-of, là. Ouais. On t'envoie les 4 meilleurs tableaux, mec. Ben, des fois, à Monsieur Net, on en reçoit plus beaucoup, mais on recevait des reviewers' guides, puis ils nous disaient où aller voir... telle ou telle affaire dans le jeu, ça. Puis des fois, ce qui est plate, c'est que tu voyais que c'était des... comme on a eu un pour Zack & Wiki, qui est un excellent jeu sur la Wii, puis on l'a reçu à cause que les critiques, ils étaient de mauvaise foi avec ce jeu-là, tu sais, ils l'ont comme mal reçu, la critique l'a mal reçu parce qu'ils savaient pas trop quoi en faire, la Wii avait pas vraiment une bonne réputation, fait que là, on reçoit ça, puis tu fais comme tabarnouche. Nous autres, à toutes les fois qu'on reçoit ça, c'est... Ça s'en va dans le tiroir, puis tu sais, on check pas ça, puis on s'en sac parce que ça n'a pas de bon sens de te dire où aller, puis quoi faire pour faire ta critique, puis décider de ton pointage. Et faites-vous encore ça, vous autres, comme on faisait dans le temps, achetez un jeu direct demain. Tu sais, comme sans les... Ben maintenant, il y a des démos, ça aide beaucoup, là, on s'entend. Ouais. Mais mettons, t'essayes le démo, t'as du fun, t'achètes le jeu, tu sais. Mais sans lire rien, là, sans écouter les gens, tu sais. Moi, je browse. Ouais. t'es dans le store, là, pis tu dis, ça, là, je sais pas, aucune idée de ce que c'est, j'achète ça pour voir. T'sais. Moi, c'est ma méthode. C'est le même que t'as découvert Cthulhu Saves the World. Ouais. Je me rappelle de cette critique-là, d'ailleurs, ouais. Ça m'a vraiment allumé, man. Ça avait de l'air bon, ça. Ben, moi, les gars, tu sais, dans la gang, là, dans Fun de jouer jeu, je suis le gars des coups de tête, là. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, des fois, ils essayent de suivre un peu mes enseignements, pis ce qui est drôle, c'est qu'ils choisissent souvent les jeux décevants, ça. Ça fait partie de la game, ouais. Ouais. Moi j'aime ça, je vois à chaque semaine là, j'ai un petit budget là. Moi je roule, tu sais, je collectionne pas, fait. J'achète un jeu, j'aime ça acheter un jeu quand il sort, puis je sais qu'une semaine ou deux plus tard, je vais le rapporter, puis ouais. La différence que je vais avoir à payer sur le prochain jeu, même s'il est nouveau, ça m'a remis plus cher. Ça. Ouais, c'est ça. T'sais, fait, j'ai l'air de full dépenser, mais tu sais, je roule tout le temps, c'est le même capital finalement. Ouais, c'est là. Ça. Je fais la même affaire. Ben, je trouve pour les downloads, c'est plus facile bien. Un coup de tête, mais au magasin, à 60$, c'est plus épeurant. Ouais, ben, c'est comme je te dis, avec ma méthode d'échange là, que perpétuelle, là, ça fait moins mal. Ouais, c'est ouais. Ça reste que, tu sais, des fois, il faut que tu fasses un peu, là, ok, on y va, même ouais. Fond. Tu sais, comme Driver à San Francisco, quand je l'ai acheté, les critiques, ils étaient ben, peut-être commençaient à être sortis, mais. Ben, il y a eu d'autres grosses sorties cette journée-là, fait que ça a ouais. Pas. Cette journée-là, ouais, je m'en rappelle, il a sorti plein de jeux quand même intéressants. Puis là, mon ami de la boutique de jeux vidéo, il me l'avait même pas présenté dans la sortie du jeu. Okay. Il avait fait, hey man, Driver, moi je l'achète. Puis là, c'était comme super weird comme moment, mais. Écoute, pourquoi tu veux faire ça? C'est ce jeu-là, moi, c'est dans mes jeux de l'année, là. Ouais. Pis, moi aussi, je l'adore, je l'ai gardé, je ne l'ai même pas vendu. Ben ça, je m'en veux de l'avoir vendu, parce que des fois, j'y repense. Parle-moi de ça, arrêtez de vendre vos bons jeux, les autres, c'est pas sérieux de faire ça. Mais avec les downloads, ça se fait bien plus. Ouais. Ça, là, ça c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est que ben mon nouveau trip, là, je vais sur le Xbox Live... Dans les jeux indépendants. Ouais. Puis ouais. Presque à l'aveuglette, j'achète des jeux. Puis tu sais, des fois, j'en achète 4-5 de fil. De toute façon, à 80 points, c'est pas ouais, cher. Ouais, non, ouais, c'est cher. Puis là, après ça, je les essaye. Tu sais, je pourrais downloader la version d'essai, mais je fais ah, man, tu sais, c'est je vais être old school. Ouais, ouais. Puis des fois, je trouve des bagarres. Cette semaine, j'ai découvert le jeu, mon jeu de l'année, là, grâce à cette méthode-là. C'est DLC Quest. Ok. C'est fantastique. Okay. Ça dure une heure et quelques, le jeu. Ah ouais? Mais écoute, c'est le 80 points le mieux investi de toute l'année. Ok. Là. C'est incroyable, là. C'est, tu sais, c'est le DLC Quest, là. ton gars, il a rien au début du jeu, là. Ok. Là, il est même pas foutu de sauter. Il y a même pas d'animation quand il marche. Il y a pas de musique. Puis là, tu ramasses l'argent. Puis avec cet argent, avec les pièces d'or que tu ramasses, tu peux aller à la boutique d'un gars qui te vend des DLC, tu sais. Ouais, j'ai du contenu supplémentaire, c'est du son. Tu vas avoir du son. C'est un super bon concept. Là, t'achètes le son. Cool. Ouais. Ah, là, il y a du son. Là, à un moment donné, il dit, ouais, tu sais, pour avoir l'épée, là, il faut que tu fasses rouler la bobine, genre 300 000 fois, là. Là, tu fais comme tabarnak, tu sais, ça va être long. Là, à un moment donné, il vient t'en voir, il dit ouais, j'ai un nouveau contenu supplémentaire, ça s'appelle Time is Money. Puis pour 50$, là, ça va aller 10 fois plus vite quand tu vas rouler. C'est complètement hot, là. En même temps, c'est un peu une critique. Là, ah, c'est hot, c'est baveux au max. Puis écoute, moi, quand j'ai découvert ce jeu-là, là, pis en plus, ben moi, vous savez, je sais pas, vous savez, j'étais un fan de Ian Richards. Ouais, moi, c'est, ouais, ouais. Ben oui, c'est vrai. Je trippe sur ce gars-là. Ah, pis Ian Richards, il fait carré que son armure. Ben, il a l'armure de cheval dans DLC. Wow. C'est le plus gros DLC que tu peux acheter. En plus, t'as dit, ça sert à rien. Ah, écoute, moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, je capotais. Puis c'est une compagnie canadienne, tu sais. Puis okay. Là, ben, en découvrant cette compagnie-là, j'ai acheté des jeux qu'ils ont fait avant. Ben oui. Puis, tu sais, puis moi, je trouve là que c'est ça, les critiques, là. Puis non, jette-toi dans le vide. Ah, ouais. C'est bon ce que tu soulèves, parce que dans le temps, là, Moi, je me rappelle. Moi, j'avais rien. Il n'y avait pas d'internet. On regardait la pochette. Power. Hey, on regardait la pochette. La pochette, ça a pas. On a eu des sales mauvaises surprises. Ben, c'est pour ça. C'est on a eu des coups de luck, mais on a eu des durs coups. C'est pour ça qu'on a tout loué le jeu de Fido Dido. Ouais, c'est ça. Parce qu'on disait, man, c'est cool, c'est le gars de 7-Up. Ben, il y en avait les jeux de même, justement, les jeux de produits dans ce temps-là. Cool Spot, c'était pas la première. J'aimais ça quand même. Puis je notais genre des capsules. C'était écœurant. Noid aussi, c'était cool. Yo Noid. Yo Noid. Ah, vous avez joué à ça? Domino Pizza. Ah ouais, je pensais que j'étais le seul. Mais non, c'est débile. J'avais trouvé ça bon, mais je suis sûr que jouer aujourd'hui, on trouverait que c'est pourri. Ouais, c'est peut-être pas aussi bon. J'y repense, là, la façon que c'est fait, puis ça a l'air. Ah non, puis Chester Cheetah aussi. Vraiment, c'était quand même triptyque. Mais moi, je me suis fait fourrer avec Bayou Billy, man. Ah, moi aussi, mais tu sais. La mission impossible. Le nombre de screenshots qu'il y avait en arrière de Bayou Billy, tu faisais tout dans le jeu. Du gun, du char. C'est ça, le dragon, tu sais. J'ai failli l'acheter cette semaine à la boutique, il l'avait à Nintendo. Combien de Bayou Billy, c'était le fun. Parce que la pochette est débile, l'illustration est belle. C'est pas très Dante, mais en plus balade. Mais moi, j'ai acheté ça pour la pochette, là. Ouais. Au hasard, avec Turtles 1 dans le temps aussi, parce que. La passe en dessous de l'eau. Cochonnerie. Les bombes. Mais ça me fait même plus peur, cette passe-là, parce que justement, j'ai eu le cœur et la patience d'être tellement forcé. Jouer. Maintenant, je suis sûr que je peux le faire les yeux fermés. Je sais parfaitement où aller et je ne perds aucune tortue en faisant ça. Man. Ça trace tout le temps qu'on a perdu, là. Ouais, c'est toute la maison, toute la, où est-ce que je restais, la chambre, où est-ce que. J'imagine le gars qui plasterait ça après, là, il fait capoter. Juste à cause de Turtle, tous les murs se mangent. Ben, tu vois, pour Renegade Ops, par exemple, comme je disais au dernier show, que j'achetais des jeux parce que je fais un fixe dessus. Ça, c'en est un, là, vraiment. Ouais. J'avais lu aucune critique, puis tout. Puis les critiques sont quand même assez partagées par rapport à ce jeu-là. Tu sais, c'est tout le temps pareil. L'autre dit, ouais, mais c'est vraiment bon. Puis moi, j'ai adoré ce jeu-là. Puis je m'en sac. Mais en même temps, c'est sûr que ça me fait un petit peu de quoi de voir quelqu'un qui cale le jeu alors que moi j'ai trouvé ça bon. Je comprends pas pourquoi lui il haït tellement ça. Mais overall, je m'en fous, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est bon aussi là, d'avoir du monde qui ont complètement une différente opinion de toi. Parce que tu sais, des fois aussi tu t'aperçois que c'est plus ton style de jeu que cette personne-là. Ouais, parce ben, c'est des ça fois aussi, il y a du monde qui font une critique. Pis qu'il n'y a même pas ce genre-là au départ, là, pis ça paraît, tu sais. Non, moi, je ferais pas de critique jamais de Battlefield, justement. Non, c'est parce ça. Que je m'aventurerais pas là-dedans, t'sais. C'est comme les jeux de sport, moi. Ah ouais, moi, avec, là. Je connais rien au sport, pis. Ouais. Je sais même pas, j'écoute le hockey, je sais même pas c'est quoi le rapport des pénalités, là, tu sais. j'ai essayé, ça marche pas. Ouais. Fait que, tu sais, quand même, je dirais. Hey, là, tout le monde donne une bonne note au nouveau NHL. Watch bien ça, nous autres, on va faire parler nous autres, on m'a donné un esti note de cul. T'sais, pis quand même, là, tu sais, je veux dire, le monde, ben moi, dans Barmadja, moi, je suis chroniqueur, fait, tu sais, pis moi, ma seule leçon que j'ai eue, dans le fond, c'est quand t'écris de quoi, tu sais, même si tu dis, hey, c'est weird un peu ce que je suis en écrire là. Ben, dis-toi, tu sais, si t'es capable de le défendre en personne, tu sais, c'est correct. Ouais. Fait que, pis pour la critique, je trouve que c'est la même chose. C'est la même affaire. Fait que, tu sais, bon, je ferais une critique d'un jeu de hockey juste pour attirer l'attention, tu sais, le blaster. Oublie ça, le lendemain, c'est un gars d'essai de m'affronter de face à face, pis il dit, ben, dis-moi pourquoi que t'as donné une note de poche de même à jeu. Ben, je sais pas, j'ai. Non, faut vraiment que tu puisses le défendre. Puis tu sais, on parlait de 7.5 tantôt. Dead Island, ça en est un, ça, qu'il y a une note quand même plus basse, puis tout le monde tripe dessus, puis la raison est simple, c'est que c'est bourré de bugs, mais ces bugs-là, ça dérange pas le jeu. Non, c'est ça, t'as autant de fun qu'il y a d'habitude. Fait que des fois, c'est quand même important de passer par-dessus ça, puis de voir pourquoi aussi ces jeux-là ont une note dans la main, tu sais. Skyrim aussi, j'aurais pas été surpris, moi, qu'il y ait une note plus basse que ça, parce que c'est bourré de bugs partout, tu sais. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Des fois, il y a des jeux qu'on donne moins, mais c'est crime, c'est pour multiples raisons, mais au final, t'as du fun pareil avec le jeu, là. Ben, moi-même, ça m'arrive des fois de donner une note à un jeu, puis je sais pas pourquoi que je donne cette note-là. Tu sais, dans le sens que, comme un driver. Tu sais, regarde, je vous en parle là, mais j'ai donné quand même 3.5, tu sais. C'est pas super génial comme note, mais en même temps, je trouvais que c'était justifié pour X raisons. Ouais. Mais après coup, tu sais, après quelques semaines, je me dis, ouais, mais à la fin de l'année, là, c'est un des jeux que je vais me rappeler le plus. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, pis il y a d'autres jeux que j'ai donné une bonne note. Finalement, je repense à ça, pis je fais, ah, ben, j'en suis revenu, là. Ouais. Tu sais, ouais. Fait que, c'est tellement fucké, là, des fois. Ouais. T'sais, parce que des fois aussi, t'es ailleurs, comme. Moi, il y a du monde, des fois, qui me demande, ils me posent la question, parce que des fois, il y a des jeux qui sortent, c'est des suites. Mm-hmm. Pis là, tu fais comme, ok, ouais, mais le troisième est meilleur que le deuxième. Pourquoi tu lui as donné la même note? Mais c'est parce que il est meilleur. Mais il y a des problèmes qu'il n'y avait pas il y a 4 ans quand ils ont fait l'autre. Puis, tu sais, des ça, des fois, c'est vraiment... C'est dur à doser aussi, là. Mm. Tu sais, parce que la technologie change, puis les problèmes changent. Puis des fois aussi, il y a deux jeux qui viennent de la même famille, qui ont deux notes identiques, mais que c'est pour des bugs différents, pour des raisons différentes. Aussi, le groupe d'âge est important. Ouais. Ouais. Des fois, t'as un jeu que c'est juste un... Dernièrement, je n'ai fait un à Monsieur Net, c'était Disney Universe, ouais. T'sais. J'ai donné un 7.5, non, un 7. Puis c'était à cause qu'au final, parce que je m'emmerdais, là. C'était vraiment fait pour un enfant. Fait que, tu sais, un enfant de 6-7 ans, là, il aurait dit que c'est le meilleur jeu de tous les temps, là. Ouais, c'est fait que, tu sais, ça dépend aussi de la personne qui joue. Mais là, t'aurais dû lui donner un 9 d'abord, parce que t'aurais dû mettre dans la peau d'un enfant. Mais j'ai dit, mon cœur d'enfant, il a... donne un 9. Ah, ouais. Mais moi, j'y donne un 7. Ouais, non, je l'ai dit, je me suis expliqué, tu sais, puis parce que c'est ça, tu sais, c'est... Tu juges pas les jeux de la même façon quand c'est fait pour un autre public non plus. Il y a le public, il y a l'âge, il y a les intérêts, il y a tellement de facteurs. Tu sais, des fois je vois du monde que, eux autres, c'est le jeu a beau être plat, si les graphismes sont hallucinants, puis tu sais là que les scènes d'action sont... Eux autres, ils trippent. Oui. Puis moi, je suis comme, oh man, ok, tu sais, on peut être amis, mais ça ira jamais plus loin. Moi, je cherche d'autres choses. Ouais. Comme moi, je trippe ces histoires. Toi, je sais que les histoires, c'est comme... Ça dépend des... Mais c'est dur. C'est difficile pour moi d'entrer dans une histoire. Ben franchement, dans l'année, moi, il y a un jeu sur 10 que je trouve que l'histoire vaut vraiment la peine. Puis j'essaie de m'investir dans toutes les histoires de tous les jeux que je joue, mais... Il y en a que ça fait juste pas à côte. Moi, genre de weirdo qui essaie, tu sais, qui veut tellement croire aux histoires que si je joue à Galaga, tu sais, je vais m'accrocher au petit chapitre d'intro. Là. Ben, moi, avec Shogun, quand même. C'est ça, lui aussi, il est comme quand ça. Quand j'ouvre le jeu, jamais que je vais tout de suite à Start Game, tu sais, comme je vais immédiatement dans les options, checker qu'est-ce qu'il y a. Après ça, quand il y a au début, avant que ça, je laisse tout le temps aller, tu sais, jamais que je peux sur Start. Fait qu'Afterburner Climax, t'as regardé l'histoire, pis t'as. Tu regardes. C'est plate en étole, ça avait pas de j'avoue sens. J'avoue que ça, je ne l'ai pas regardé parce que j'avais pas le temps. J'avais 15 minutes avant que ma blonde arrive ou que le petit. En tout cas, je me dis, là, elle est à l'ordinateur, j'ai le temps. Là. Ouais. Suite, là, j'ouvre ça. Puis là, je joue, man, puis j'essaye arcade immédiatement. Puis là, ça allait tellement vite, man. Puis là, elle est arrivée, j'ai fermé ça. Mais je te promets, puis c'est sûr que je vais regarder ça en profondeur. T'sais, je regarde tout le temps ça. Là. Parce comme toi, dire... moi, je veux savoir c'est quoi, pourquoi, tu sais. Que ça soit, comme tu dis, Galaga, tu sais, même si c'est pas intéressant, tu sais, au moins, ça te met dans le bain un peu, tu fais pas comme j'aime juste ça, savoir mettre pas. Un 25 cents puis commencer sans qu'il se passe, tu sais. J'aime ça savoir pourquoi je viens de tuer 200 personnes en deux minutes. C'est clair. Pourquoi tout ce monde-là veut te tuer? Ouais. Non, mais ça. Moi, c'est ça, c'est comme les histoires, c'est comme un film, tu sais. Ben, il y en a que c'est très cinématique, puis ça vient long aussi. C'est ça. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde, donc t'en as un exemple, là, mais... Il y a un jeu, par exemple, à la Wii, là, je me rappelle plus, c'est un bon quest, là, c'est vraiment un bon quest, là, un bon RPG, mais Tales of Symphonia, je pense, là. Ouais. Puis ça a l'air super bon. Mais les deux fois que j'ai essayé de jouer, l'intro, elle dure comme 45 minutes. De cinématique, de dialogue, de moment que ton personnage, il marche doucement. Ben. Puis là, qu'il regarde au loin l'horizon. Puis là, t'es comme, tu sais, hey man, c'est parce que, tu sais. Ben, moi, je trouve que là, on a tous pas mal 31 ans, peut-être toi un peu plus vieux. 34. Mais, mettons, à l'époque où est-ce qu'on est rendu dans notre vie présentement, ouais. 40 minutes, c'est long. Ouais. Tu sais, j'ai pas c'est beaucoup trop. De temps, moi. Faut que ça avance, là, les choses. Ouais. Tu sais, donc, mais quand j'avais 15 ans, tu sais, je veux dire, faisais mes devoirs, je faisais ça toute la soirée. Parce qu'en 40 c'est minutes, tu peux écouter deux Curb Your Enthusiasm. Ouais. Deux Seinfeld, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que le temps est compté, moi, je trouve. Oui, on choisit notre temps, là, ben raide. C'est pour ça que tu pourras jamais jouer à Metal Gear. Jamais. Ben, moi, je te dis, tous mes jeux, je les regarde, tu sais, mais là, on dit, moi, je comprends pas pourquoi t'en achètes, tu sais, tu joues même pas. Ben, tu sais, c'est sûrement une maladie là, que j'ai. Là, mais, ouais. Il y a des meetings pour ça. Ouais, il y a des meetings pour ça, c'est clair. Mais je me dis qu'à un moment donné, tu sais, si tout s'écroule, au moins, je vais avoir ça. Tu sais, j'ai pas besoin de me suicider, je vais pouvoir jouer. Ouais, mais jeux que j'ai pas eu le temps de jouer. Tu sais, imagine, man, tu vas être super vieux. Tu seras plus capable de jouer à des manettes parce que tu vas être si croche. Puis là, tu vas essayer de jouer à ton Metal Gear. First, ton PS3 marchera plus parce que c'est trop vieux. Puis tu vas pouvoir jouer à des jeux avec ton cerveau. Ça va être comme dans Existence. Ouais, ben ça va être comme ma vie de présentement que je joue à des jeux de Coleco. Là, ouais. Ça va être la même affaire. Là. Puis là, j'essaie de j'ouvre mon Coleco. Puis genre, je graisse les Switch. Puis j'essaie de trouver pourquoi Burger Time marche pas. Puis, là, je vais ouvrir mon PlayStation. Je vais être comme bon. Je checker des forums. T'sais, sûrement l'internet va être dans notre tête dans ce temps-là, je vais checker les forums comme ça. Ah ouais, dans le fond c'est ça, il y avait un trou avec le CD quand tu mettais là, je vais aller changer les Switch. Tu veux juste te fermer les yeux pour... Ouais c'est ça. comment que je vois, hop là ça se va avec ça. Mais c'est ça, pourquoi on parle c'est beau, hein, c'est vraiment plus le sujet, mais internet dans la tête c'est pour demain. Internet, alors c'est ça, les jeux à retraite là. Ça, ouais, les jeux qui sont longs. Hein. J'y jouerai les jeux. Mais c'est même pas à retraite tant que ça. Je veux dire, quand tes enfants, mettons, ouais, ils ont 12 ans, eux, quelque chose, temps, ça donne jeux, plus le temps, je peux pareil. Ouais, là, des petits enfants, ça prend du temps, ça. Là, ouais, ça prend ça du temps. Occupé, mais tu sais, imagine, là, tes kids vont être chez vous pendant à peu près là, 18, 20 ans. Ouais. Tu sais, ça te mène, là. Ça te mène, admettons, dans ton cas, ça te mène à 17 ans plus loin, ce qui veut dire que toi, tu vas en avoir 48. À 48 ans, là, tu vas en avoir plein le cul des jeux vidéo, ben, peut-être. Ou tu sais, tu vas être dedans, mais la technologie va tellement être avancée, tu sais. Imagine, là, on est rendu au point où on voit des affaires en 3D partout. Tu sais, si c'est ça maintenant, ça va être quoi dans 20 ans? Ben, dans 20 ans, c'est facile. Tu vas avoir envie de jouer à un jeu vidéo, tu vas te fermer les yeux. Ouais, c'est ça! Tu vas te faire en fermant les yeux. Allez, hey, j'ai vraiment faim, je vais prendre un vidéo Big Mac. J'ai envie de pisser. Il hey, faudrait que j'appelle Bruno. Bon, je vais rapper mes réels, faut que j'achète une maison. Ouais, c'est ça! T'es cœur, hein? Bon, il n'y a plus personne qui va avoir des iPhones. Bon, marcher dans la rue. Tout le monde. Ça va être des tapis roulants, man. Pour être sûr que le monde ne se rentre pas dedans. Tabarnouche. C'est la discussion aujourd'hui. C'est la discussion aujourd'hui. Donc, tout le monde va finir les yeux fermés. Internet dans la tête. Donc, effectivement, je vais partir le bal avec le jeu le plus rétro auquel on va parler ce soir. Ouais. Ouais. Puis, écoute, es-tu allé voir Joël, c'était quoi? Non, ben c'est non. Ça, j'ai ben, vu. C'est correct, parce que... Oui? Non, c'est correct! T'as pas vu, c'est cool, parce que dans le fond, c'est peut-être, je voulais garder un petit élément de surprise. C'est un jeu que vous connaissez tous sous forme de conte pour enfants. C'est l'histoire des trois petits cochons en jeu Atari 2600. Ouais. ça s'appelle Oink, comme dans des cochons qui font Oink, vois-tu. C'est sorti en 1982, puis c'était fait par Activision. Donc, il y a quand même un gage de qualité, là, ben oui. Activision, sur le 2600. Totalement. Fait que moi, j'ai acheté ça complètement par hasard à une réunion du club collectionneur de jeux, encore une fois. Puis, c'était... c'est tordu. Hein. T'as un gros. T'es dans une maison des petits cochons. Puis t'as le cochon dans la maison, puis t'as un loup en bas qui passe de gauche à droite. Puis, ouais, ça c'est le gameplay. Ça a l'air excellent. En haut de l'écran, t'as des briques. Dans le milieu de l'écran, t'as trois murs, comme trois couches de murs. Puis t'as le loup qui est en bas, qui, comme. Il est supposé souffler dans c'est le. C'est drôle, quand il souffle, on dirait qu'il crache un léger filet. C'est ça, il est supposé souffler, perforer les murs jusqu'à être capable de t'atteindre. Mais son crachat, on dirait qu'il crache comme une langue de grenouille ou de tamanoir. Man. En fait, c'est un pur gel, une ligne droite. Là. Ouais. Fait qu'il perce les murs avec ça. Puis toi, en haut, avec ton cochon, tu pognes les briques, tu les laisses tomber où est-ce qu'il fait des trous finalement okay. pour te protéger. Fait que donc, tu bâtis le mur, tu passes ton temps à bâtir le mur que lui est détruit. OK. Puis ça se met à aller vite. Là, t'es le premier petit cochon, tu sais. Quand tu meurs, quand il réussit à percer les trois murs, puis là, ça, son espèce de jet te touche, le jet te tire vers lui, tu sais. OK. Donc, des fois, il réussit à. Son jet réussit à passer dans une craque, puis il tire, mais il y a encore du mur qui te bloque, là. Caline. Donc, il va pas réussir à te faire passer au travers. Donc, t'es correct. Il peut te toucher, mais du moment que tu passes pas au bord des murs, t'es bon. Donc, c'est ça. Il se met à aller de plus en plus vite à chaque. Ben, regarde, en haut, t'as comme plusieurs briques. Ouais, tu les as toutes déposées pour boucher les murs. Il en apparaît une autre rangée. OK. Puis ça se met à aller de plus en plus vite. À chaque nouvelle rangée de briques qui arrive, le loup, il crache de plus en plus. Puis la musique que ça fait quand tu laisses tomber une brique aussi, tu sais, le premier, ça fait ding, ding. Après, ça fait ding, ding, ding, ding, ding. Puis tu sais, comme ça devient très, très rapide. Tout ouais, ça. Ouais. Donc, c'est ça que tu fais, mon gars. Carrément. Puis quand tu meurs, ton premier petit cochon, le loup t'attrape, puis là, ça fait un petit beat, là, nananana. C'est malade. Puis là, ton cochon, il s'en va, le loup, il se tasse aussi, puis là, on tombe dans la deuxième maison des trois petits cochons. Deuxième maison qui est totalement pareille comme la première. Tout est pareil, sauf que le loup, il va un peu plus vite, puis la maison est comme brune. T'sais? OK. Mais c'est la même chose. Puis quand tu meurs après ça... c'est la même affaire, tu pognes le troisième petit cochon, puis la maison elle a une autre couleur brune pâle. Ça se met à aller très très vite. L'effort est grandiose. Donc, ben, l'effort est quand même là, tu sais, c'est pas rien d'essayer de faire des trois petits cochons à l'Atari 2600. Non, c'est sûr. aussi poche que ça n'a de l'air, c'est quand même pas si pire. Là. Ouais. Parce que tu t'offres un bon bout de temps avant de perdre ta première vie, là, tu sais. Ça, vraiment, là, t'as le temps de te tanner, en fait. Okay. C'est ça. Mais c'est parce que je check ça, les contrôles, étais-tu assez bon? Les contrôles parce que quand sont tu pitches tes briques, les briques sont tellement petites que j'ai l'impression que tu sais pas où tu les lances. Au contraire, pour ça, c'est très bien fait parce que les briques sont petites, mais tu les lâches à peu près puis ils tombent juste à la bonne place. Okay. Mais t'as pas le temps, jamais que tu vises. Vraiment, précisément, okay. Où tu lances ta brique. Ouais. Le loup, il va tellement vite à faire des trous qu'à un moment donné, il y a un gros, gros gap. Là. Quand tu passes au-dessus, tu lâches des briques là, en passant le plus vite possible. Okay. Fait que dans le fond, c'est plus un jeu de vitesse qu'un jeu de précision. Là. Faut que tu sois vite à mettre les briques aux bonnes places. Puis à prévoir, quand il y a une espèce de gros trou, on en met une ou deux pour faire une espèce de petite barrière. Comme ça, s'il tire, tu vas pas passer parce que il y a des briques qui bloquent finalement. Donc, c'est ça. C'est vraiment un jeu de vitesse. Quand il tire, t'sais, il drague vers le bas de l'écran. Là, il faut que tu remontes en haut pour aller pogner tes briques. Avec sa langue. Avec sa grosse langue. Je suis sûr que le dude qui a écrit les trois petits cochons, il verrait ça. Hein. Il pète un anévrisme. Je sais pas s'il a eu sa cote. Là, quand même. Mais... Ben, c'est ça me fait penser à un fourmilier. Oui, la langue, ça fait penser à un tamanoir. La même affaire, c'est ça, un tamanoir. Ça fait vraiment penser à ça. Mais je pense que ce jeu-là, j'ai pas pu l'essayer encore une fois, j'ai pas réussi à convaincre ma blonde. Je pense que ce jeu-là gagne beaucoup en multijoueur. Okay. Parce que t'as le mode normal, c'est toi le cochon. Ouais. Après ça, t'as le mode numéro 2, où est-ce que tu joues à deux, mais les deux font le cochon. Et puis après ça, t'as le mode 3, où est-ce qu'il y en a un qui fait le cochon, puis l'autre fait le loup. Ah. Donc ça doit être quand même cool. Ah, ça doit être galine, c'est bon. C'est vraiment bon. C'était rare dans ce temps-là que tu pouvais faire le méchant. En fait, je veux pas, mais il me semble qu'à l'Atari, il y avait une coupelle de jeux de même. Tu sais, parce qu'on encourageait comme on prend tous les rôles dans le multijoueur, puis let's go, tu sais. Absolument. C'est vraiment cool. Puis là-dedans, ils l'ont fait, puis je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir du fun, même aujourd'hui, tu sais, à essayer de pogner l'autre avec ta langue de tamanoir, tu sais, puis à te dépêcher, puis l'autre, il se dépêche de dropper les briques, tu sais. Là, ben, c'est ça, je l'ai pas essayé, mais je l'ai testé avec ma manette de Genesis dans mon Atari. Ça marche, tu fais le loup. Fait que c'est bien cool. Puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris? Si vous avez joué à ça à l'origine, pour vrai, les patchs. Récompense Activision était disponible. Donc, tu prenais ton écran en photo pour un high score et tu recevais une patch. Ah, j'aimerais bien ça de l'avoir. Ça, c'est cool. Essaye-le donc. J'ai une photo. Activision aujourd'hui, c'est quoi le dernier gros jeu qu'ils ont fait Activision? Activision, ah, ben là ils en font plein. Skylanders, c'est vrai. Eux autres ils vont savoir ça, ils sont full Skylanders, les emails sur Skylanders, Call of Duty. Là, d'un coup, oink. Ouais, checker mon screen. Je sais pas, il doit envoyez-moi une patch. Je vais t'envoyer une figurine. Ils vont être tellement fiers, ils vont t'envoyer. Ça serait déjà pour mais ces patchs-là. Sac-nous parce que c'est étalé dans son hey, j'aimerais vraiment ça, par exemple, une boîte de patch. Mais c'est ça, une boîte de patch. 20$ la patch sur eBay à peu près. Une froc de cuir à Atari. Absolument. Ça me torcherait au max. Oui. Fait que ce jeu-là n'est pas un jeu rare quand même. Je pensais qu'il s'aurait pu, tu sais. Parce que je l'avais jamais vu quand j'étais petit, nulle part, aucun de mes amis. Mais même moi, c'est la première fois que je l'entends parler, je savais pas qu'il existait. Out of the blue, ben... Non, carrément. Mais non, c'est très disponible, là. Okay. 5$. Le jeu d'Atari, ben standard. En fait, c'était le Battlefield de l'époque. C'est ça, c'est le multijoueur qui était le meilleur. Non, mais il y avait un jeu d'Atari Combat, là, qui était le jeu de base là, que tout le monde avait en multijoueur. Ça, c'était génial. Là. T'avais des guerres de tanks, des guerres d'avions, des guerres de trois petits avions contre une grosse avion. Ça vous des guerres de filles à sortie du bord. Ça vous dit rien, le jeu, là? Non. Bon, laisse faire. Mais aussi, j'ai oublié de mentionner, un affaire qui est spécial dans ce jeu-là, c'est que les sprites sont gros. Oui. Comme ton... Puis ils sont bien animés. Tu sais, quand il prend la brique, t'as la main qui... qui lève, qui descend, puis ton cochon il est vraiment gros, puis j'avais laissé le jeu comme aller comme ça là, sans faire start pour commencer à jouer, la TV était ouverte, mon fils était descendu là, en bas de son lit parce qu'il voulait pas se coucher, là il a passé devant ça, il a dit hein, un jeu de cochon, tu sais, fait que là c'est déjà bon pour l'Atari d'être capable de reconnaître quelque chose, tu sais, dans le temps, c'était un petit point ou un petit tas de pixels, tu sais. Donc, t'as des gros sprites. Des gros sprites qui marchent très bien. Mais moi, par exemple, tu sais, mauvaise job sur le loup, par exemple. Le loup est pas terrible. Ouais, c'est vrai que le loup aurait pas aimé. Qu'est-ce que c'est ça, ce souffle-là, tu sais, ça... Ben, je sais pas comment il aurait pu le faire, sinon... Ben, avec une petite animation, des petites lignes, là, qui font des tournicotis. Tu l'as pas vu sur ton iPhone, mais quand la langue atterrit dans le mur, frappe le mur, il y a une petite explosion blanche. Il y a une animation, là. C'est animé, là, comme... Ça, c'était au moins un mois, là, de programmation pour le gars qui l'a fait. Bien, je vais en revenir sur le gars qui l'a fait, parce qu'il s'appelle Mike Lorenzen. OK. Puis, c'est un gars qui était chez Atari dans le temps. Ah! Puis qui a choqué, comme tout le monde, qui est allé chez Activision. Jeu de cochon, je sac mon cœur. Ben, il a travaillé, pas juste sur le jeu de cochon, il a travaillé aussi sur Circus Atari. Oh, yes! Ça, c'était un classique, c'était très bon. Ouais. C'est pas lui qui l'a fait, mais en tout cas, il est crédité dans les jeux. Puis sur Pitfall 2 aussi. Il faisait le café. Puis... <C'est ça>. Fait que, il a fait ça, puis aussi, en quittant Activision, il a quitté Atari pour aller à Activision. Ouais. Puis il a quitté Activision pour aider à fonder Accolade. Comme on a parlé, j'ai parlé au dernier épisode. Oui, 14. Ouais, de comment ça marchait. Ils sont devenus Acclaim. Ils sont devenus Acclaim après, en plein ça. Puis lui, chez Accolade, il a été comme l'un des ingénieurs principaux derrière le bypassing de la chip du Genesis. Okay. Pour que Accolade puisse faire des jeux non licencés de Genesis. Il y a eu une espèce de grosse poursuite là, dégueulasse du Genesis contre Accolade à cause de ça. Puis Sega avait gagné au départ, puis finalement ils sont allés en appel, puis Accolade a gagné. Fait qu'ils ont pu continuer de produire des jeux illégaux. Parce que ce qu'il a fait dans le fond, dans le temps, pour produire des jeux de Genesis, toi, on t'envoyait un Genesis, toi, en tant que gars qui fait des jeux. Fait que lui, il a taponné un Genesis, trouvé une façon de mettre dans sa cartridge un truc qui bypass, tu sais, le fait que le Genesis check que c'est un jeu, en tout cas, je peux pas te dire, c'est ce que j'ai lu. Fait que lui, c'est le mastermind en arrière de ça, donc tout est de sa faute. Donc, c'est ça. Puis si vous voulez jouer à ça, c'est disponible sur le Game Room de Microsoft. C'est quoi ça? L'arcade, là, l'espèce d'arcade. C'est ça, c'est l'arcade. Il y a plein de jeux là-dessus. Il y a bien des jeux, mais moi, je t'avoue, je suis allé une fois dans l'arcade, j'ai essayé quelques jeux, Puis c'est gros, là, leur affaire. Là, il y a comme plusieurs étages, ouais. Plusieurs pièces. Puis dans les pièces, moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Puis t'étais perdu là-dedans. Je suis perdu dans l'arcade. Ah, ouais. T'as fait un appel à l'intercom. Là, j'ai dit, faut que je trouve une solution. J'ai fermé les yeux. Sur Internet. Tout allé sur Internet. Google Maps. Mais en tout cas, en regardant d'autres jeux par hasard cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles dans cette... Ouais. Ce truc-là. Donc, ouais. J'ai pas de Xbox. J'en ai vu. J'ai le perdre moi, avec le. Ouais. Puis, c'est également disponible sur une très bonne compilation PlayStation 2 qui est la Activision Anthology que je possède, que j'ai acheté à la pharmacie 10$. Là. Genre, les autres s'en foutaient complètement. Puis, c'est vraiment un bon deal. Donc, voilà, man. Hunk, les trois petits cochons. Les trois petits cochons. Excellent. Ben, excellent. Correct jeu. au prix que c'est, de toute façon. Ben, tu sais, les jeux d'Atari, c'est de même. Là. À moins que tu tombes sur une espèce de trésor. Puis les trésors, c'est pas parce que c'est bon, là. C'est parce que c'est très rare. Là. Ouais, c'est ça. Tu les achètes, les jeux d'Atari, là. C'est pas cher. Ouais, c'est comme un Kiss de Atari Game. Là. Le avec jeu de les gars de Kiss. Ça existe, ça? Non. Il semblait que j'avais pas vu ça encore. Hein. Genre de jouer à 300 000. Oh, Luc, comment ça, je n'ai pas entendu parler? Mais éventuellement, je pense que je vais faire un gros move là, côté collection Atari. Connaissez-vous le jeu Sword Quest Earth World? Non. Sword Quest? Sword Quest. Il y a eu... Ça se peut pas, Sword Quest. Ah, un calque de l'épée, Sword Quest. Sword Quest. Sword... Ok, écoute, Sword Quest. Sword Quest, oui. Sword Quest. Excusez-moi. Bon. Mais c'est parce que le band de musique s'appelle Sword, là. Ouais, c'est de Sword. Ouais, mais il y a du monde qui dit Sword, là. Mais Sword, ça se dit pas comme ça. Ben là, excuse-moi, là, mauvais anglais de ma part là-dessus. Ben, en tout cas, tu comprends, là, la quête. Ben oui, je comprends. Mais sais-tu de quoi je parle, tu sais, vous avez déjà vu ça? Mais non, je l'ai pas vu, je là. Non. En tout cas, il était supposé avoir 4 tomes, il y en a eu 3 finalement. Sword Quest, Earth World, Sword Quest, Earth World, Fire World, puis Water World. Puis il était supposé avoir Air World. Avec Kevin Costner? Non, mais ça, c'est le gros running gag. Mais moi, j'ai les deux premiers qui sont pas si durs à trouver. C'est tout le temps en ordre de difficulté. Puis Water World, là, il est quand même dur à trouver. Là. Puis, c'est pourri, ces jeux-là. On s'entend. Ouais, c'est ça, c'est mais dans le temps, Atari, on fait toute une grosse campagne autour de ces jeux-là. C'était gigantesque. Ils donnaient des vraies épées en or à des gens. Il y avait des concours. Je l'expliquerai un moment donné. Puis je veux acheter Water World un moment donné. Genre 300$. Je vous jure, man, quand ça va bien aller, là, que genre les fenêtres vont être changées chez nous, les rénovations vont être faites, là, je vais me mettre un petit. Je vais me faire un petit compte épargne, man, Waterworld. Je vais m'acheter ce jeu-là. Man. Puis là, ta blonde va dire pourquoi t'achètes ça? T'as pas le temps de jouer, les Je dirais pas. Mais à côté c'est de ton Metal Gear. Man. Ouais. Je le mettrais à côté de mon Metal Gear. Puis quand je regarderais ça le matin. Ah, Waterworld. Fuck it. Tu vois que c'est la compagnie, c'est à bout de ça qu'ils sont débarrassés. J'ai trouvé ça au marché au plus. Voilà, presque donné. Fait que ça va se faire. Bon, mais toi, ce soir, tu vas nous parler de Another World 20th Anniversary. Non, tu ne parles pas de ça. Ah, écoute, tu ne parles pas de ça. J'ai abandonné, j'ai essayé, là, j'ai passé quelque chose comme 3 heures sur Another World. OK. Puis moi, je l'ai déjà passé. Ouais. Dans le temps que j'étais adolescent, dans le temps que, tu sais, là, Internet, c'était sur des ordinateurs. C'était pas dans la tête encore, non? Puis. Là, ben, je pensais à moi que c'était mon grand retour en force, puis c'est complètement capoté, là. Ah ouais. Les contrôles, là, c'est hasardeux. Ouais. C'est-tu à cause que c'est sur un iPhone? C'est sûr que c'est à cause que c'est un iPhone. Ouais. C'est la faute du iPhone. Moi, iPhone, c'est pas... ça peut pas marcher. Moi, honnêtement, là, des fois, ça marche. Ouais. Moi, je suis du camp de que je trouve que l'iPhone est vraiment une super belle plateforme pour les jeux. Mais pour les portages comme ça, c'est moins pas évident. Si fun et réussi. Puis Another World est un bel exemple. Ils disent que le contrôle est intuitif, là, mais... Hey, moi, je me demandais comment est-ce que... J'avais hâte que t'en parles, parce que... tu rushes là avec un D-pad parce que tout est une affaire voilà. de synchronisation. Ben c'est ça. C'est ça. T'sais, que, faut, quand faut que tu sautes. Là. L'animation est tellement longue. C'est chirurgical. Ouais, combien la moindre de tes actions peut influencer sur tout. Totalement. Puis dans ce jeu-là, ben dans cette version-là, ça n'a pas changé, c'est encore chirurgical. Ouais. Mais là, en plus, t'as un écran qui est vraiment moins bien défini. Les autres, ils disent qu'il est en haute définition, tu sais. Ouais. Hey, haute définition, mon cul, là, tu sais, là, je veux dire, je comprends qu'il y a des nuages qu'on voyait pas dans le ouais, jeu. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, j'ai pas besoin de nuages. Ouais, c'est ça. Fait que là, bon, OK, déjà ça. Puis en plus, ben, bon, l'écran est plus petit, puis les contrôles sont aléatoires. Là. Ah ouais? Tu sais, pour avancer, c'est comme tu tapes à quelque part dans l'écran à droite ou à gauche. Puis il va avancer. Ok, t'as pas un D-pad là, c'est vraiment. Aucunement. Il y a, okay. y a rien. Il y a des D-pads des fois. Ça? C'est. Ouais. Ben regarde, tu sais. Un dessin de D-pad qui apparaît. Ouais, c'est un dessin de D-pad. Non, ben là, non, même pas. Mais là, il y a même pas ça, c'est les contrôles à l'écran. C'est complètement abstrait là, tu sais. Là, c'est. C'est... Ah, je pensais qu'il y avait. Ok, man, si tu pèses à droite de l'écran. Ouais. Tu sais, il va aller vers la droite. Puis si tu pèses à gauche de l'écran, il va aller vers la gauche. Mais là. C'est comme, si tu pèses deux fois, là, il va courir. OK. Ah, mais c'est tannant, ça. Il faut que tu pèses deux fois dans la même zone qui n'est pas définie, tu sais. Mmh. Sinon, il ne courra pas. Caline. Wow! Okay. Tu sais, là, c'est ouais. vraiment tout pour te mettre en sifflette, là. Tu sais, ouais. moi, là, regarde ça. Là, c'est là que tu es rendu. Ouais. ouais. C'est, qui est une passe qui est vraiment difficile ouais, dans le jeu original. Ouais, ouais. La passe, c'est que t'as de l'eau à faire exploser ouais, un puits d'eau. Là, pour ouais. bon. C'est beau, par exemple. Ben, regarde les contrôles. Là, comme ça, il va aller à gauche. Comme ça, il va aller à droite. T'sais. Ouais. Jusqu'ici, ça a l'air cool. Mm-hmm. Sauf que regarde, si je pèse là, là, OK. Là, je pèse deux fois, il est supposé de courir. Mais il court pas tout le temps. Puis il arrête pas tout le temps. Ouais, faut que tu repèses pour la. Ouais, puis pour tirer du gun, il faut aller dans le coin droit de l'écran ou dans le coin gauche, mais c'est pas tous les coins gauches. Puis des fois, c'est le mur qui starte son mur de protection. Okay. Des fois, c'est les petites balles. Des fois, c'est les grosses balles. Puis là, à un moment donné, là, tu sais, ça fait comme 60 fois que t'as refait ce segment-là. Là, ouais, là, ouais. Puis tu sais ce qu'il faut faire, là. Ouais, mais t'arrêtes pas de mourir. Déjà fait. Ah, c'est chiant, ça. Parce que le contrôle répond pas ou parce que, tu sais... Ah! Tu sais, tantôt, je te parlais des manettes de Nintendo que tu tires, ouais, là. Ben ouais. ça, c'est une manette à 600$. OK, c'est beau, là. Mais je suis déçu, là. C'est ouais, tellement, c'est décevant. C'est tellement un classique de mon enfance que je possède encore. Moi, je suis déjà en persévérant. Tu sais, ouais, là, ben, ouais. pas dans la vie, mais pour les jeux. pour les jeux. Puis, je m'étais donné comme défi de le passer. Tu sais, je vais aller à bout, même si le contrôle est poche. Puis, le segment que je vous ai montré, j'ai passé quelque chose comme 3 ou 4 heures. Dessus, là, uniquement sur ce segment-là, parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Non, okay. C'est un long segment celui-là, ouais. là, avec des trappes, des plantes qui t'attrapent, qui t'égorgent, puis l'eau. Puis non seulement il y a des pièges de partout, puis en plus des pièges qui sont pas nécessairement évidents à mémoriser. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Mais même si tu les mémorises, ça veut rien dire parce que le contrôle il te répond tellement. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est. Que 3 fois sur 4, tu meurs juste parce que c'est pas de ta faute. Là. Fait que pour le prix qui m'a comment coûté. Comment t'as payé ça? Parce que c'était 4,99$, je pense qu'il m'a coûté 3 ou 4$. Ouais. Là, à 3$, je l'essayerais peut-être. Ouais, ben moi, c'est ça que je me suis dit à l'origine. Je me disais, 3$, c'est rien là. De ce temps-ci, je joue juste à des jeux à 6$. Je fais, tu sais. Je me disais, 3$, voyons. Puis honnêtement, ça m'a fait de coup au cœur après. Ouais. Je me disais, tu sais, ça me dérange pas de payer 3$ pour un jeu qui est pas si bon que ça, finalement. Mais ça me fait de la peine de payer 3$ pour un jeu que dans mes souvenirs, il était fantastique. Ouais. Puis là, je paye 3$ pour me faire scraper mon trip. Ouais, puis ils sont supposés, hein, ils disent que l'expérience est grandiose puis que c'est beaucoup mieux. Là. Non, non, vraiment. C'est là, quand tu notes ça 20e anniversaire. C'est là. Rare, je prends le temps là, d'aller, premièrement, rater une application. Ouais. Je le fais rarement. Là, je l'ai fait. Puis, en plus, je l'ai commenté. Puis, tu sais, je parle pas super bien anglais puis j'écris encore moins bien anglais. J'ai pris le temps d'écrire un commentaire en anglais, genre, j'ai dit les contrôles sont sont des socks. En tout cas, truc de même, là, je disais, hey, man, non, on dit ça. Y'a-tu du monde qui ont dit que c'était bon dans les commentaires? Ben, tu sais, il y a comme 20 premiers commentaires qui sont dit tyrambiques, là. Ouais. Fait que, tu sais, disons, dans la vie, on a en moyenne 4-5 amis, là, des proches, là. Ces autres, qui c'est une équipe d'au moins 5 personnes, tu sais, ils ont fait le tour de la gang de chums. Ouais, puis, c'est ça. Là, tu sais, c'est ça, là. Parce qu'ils ont pas, ils sont pas allés plus loin que ça. Ils ont, c'est, je me serais attendu à un gros événement de promo, ouais. Parce que... Ouais. Puis non, pas tant que ça, non. Parce que moi, je l'ai découvert par hasard en achetant un autre jeu. Qui me, c'est iTunes qui me conseillait, App Store qui me conseillait, qui me disait, hey, si t'achetais ça, t'as... Hey, man, il y a Another World, il est sorti. Puis là, je me suis comme rendu compte dans le jardin dans le monde que c'était, personne n'était vraiment au courant. Hein? Ouais. Ah non, c'est, moi aussi, je m'en ai aperçu par hasard. Mm. Hein, pis... Dommage. C'est le fun. En plus de ça, sur iOS, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de parts de jeux comme ça. Ah oui. Il y en a que ça fonctionne super bien. Les point and click, ben oui. Comme Monkey Island, c'est merveilleux. Là. Ouais. Ça marche au bout, tu sais. Non, mais c'est mais ça. Ça, t'as besoin d'être timé, oh, c'est ouais, ça. C'est tellement précis. Les platformers, là, c'est pas évident là, là-dessus. C'est... Ben, ça, c'est surtout pour plus... un jeu qui a de l'animation comme ça. Parce que je me souviens même, l'original, moi, j'ai eu de la misère. Là, ben, déjà ouais. Que l'original, c'est pas pour vous. Moi, l'original, pour moi, c'était au Super. Ouais, c'est ça. Moi, Out of This World, que moi, ça moi, pour moi, c'est sur Mac. Mais okay. Le vrai, c'était ben, Outer ben, World. Ben, c'est ça. Moi, pour moi, l'original, dans mon esprit, c'est lui qui était sur Super NES, tu sais. Puis, il y avait une grosse partie de frustration à l'époque qui était la cause, c'était le contrôle. Tu sais. Mais on y arrivait quand même. Mais oui, c'est mais ça. Mais là, on n'y arrive plus. Mais on passait tout des chanceux, j'étais joué sur Mac. Tu sais, mais c'est parce que c'était la même affaire. Moi, j'ai joué en plus, dans le même temps que j'ai joué au Prince of Persia, l'original. Mm-hmm. Puis c'était le même genre d'animation, même genre de saut. Tu sais, voilà. Que tu sautes, puis que là, il court un peu en arrivant. Fait qu'il faut tout le temps que tu times tes affaires, saute un petit peu plus avant le bord. C'était fucké, là, ça marchait pas. Je m'en ai dans un moment de désespoir, j'ai fait ce que je fais vraiment rarement. Je suis allé sur un site d'aide, là, tu sais, là. Ouais. D'aide personnelle. Là, c'est ça. Voyez-vous Internet dans votre tête. Puis, j'ai découvert que j'étais rendu suicidaire. Non, c'est en fait, je vais aller voir. Ta vie misérable. Je vais aller voir, tu sais, un peu s'il y a de quoi que j'ai pas passé à côté. Puis quand j'ai vu le walkthrough, j'ai vu tout ce qui me restait à faire. Non, t'es pas loin, là. Ben c'est ça. J'ai ben, ouais. Ben, ça n'a pas de mon sens. Je peux pas endurer ça, tu sais, jusqu'à la fin, là. Ça a pas... Tant qu'à ça, regarde, tu sais, m'en venir, là. Si je veux vraiment revivre l'expérience de Out of This World ou Out of This World, tu sais, je vais attendre Steam m'en venir ou ben Good Old Games vont sûrement leur sortir pour... Ou là, ils vont voir que ça marche pas nécessairement que les contrôles vont sortir sur PSN. C'est ça. En tout cas, ouais, tu sais, souhaitons... Ça serait beau, ça. Ben, ça serait carrément, hein, ça. Avec une manette, HD aussi. Ouais, moi, ce qui me ferait triper sur le PSN, ça serait une double sortie. là, je rêve, mais tu sais, là, Another World, puis Flashback, hein, ouais. HD. Ouais. Ça serait malade, là. Surtout que les tableaux sont tirés de peintures originales, tu sais. Moi, j'aimerais ça que ça soit ces peintures-là qui soient les backgrounds. OK, place, et beau, je vais pas juste chier sur le jeu. Il y a un beau côté, c'est que, d'ailleurs, pendant que tu en parles, dans l'application, il y a justement une référence, des petits aides références sur, comme tu dis, les peintures originales. Par contre, c'est tellement mal fait que, premièrement, c'est tout le temps des moments charnières, là, tu sais, que, genre, tu sais... Tu cours, là, tu fais un petit tu man. Ouais, il y a une peinture sur le mur, j'arrive pas le temps de checker. T'es dans le courir où il y a un dude, tu sais, qui sort, pis t'as genre un temps de réaction de 1.4 secondes avant de tirer, sinon tu te fais transformer en squelette. Pis là, au même moment, il y a comme de quoi qui apparaît quand c'est pas le temps avant tout, pis ça... tellement que j'ai même pas le temps... excusez, encore une fois, de cliquer sur... Ah ouais? Aïe, aïe. Parce que c'est comme dans les... Tu sais, c'est comme si, genre, je sais pas... À quoi ils ont pensé? C'est bien ridicule. Tu sais, c'est... Tu sais, quand tu fais l'amour, c'est pas le temps de parler d'argent, là. Eux autres, c'est ça. On dirait qu'en application jeu vidéo, scène d'action, on va te donner une petite info bulle, là. Hey, ça t'intéresse, en passant. Surtout que t'as tes doigts partout dans l'écran, déjà. Fait que en tout cas... D'après ce que tu viens de nous montrer, là, il y avait des sons de gouttes qui dégouttent tout ça. Oui, oui, oui. Mais... au Super NES, en tout cas, je sais pas, sur, à l'ordi, il y avait juste la musique. Ouais, non, ça ils ont rajouté un petit ambiance. Mais ils ont-tu laissé tomber la musique? Non, il y a un petit peu de musique. Mais pas la même. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Non, c'est. Moi, en tout cas, dans la version originale, je me souviens, c'était pratiquement. Non, mais quand t'arrives dans la caverne, là, ça fait vraiment deux. Bah, regarde, t'as un petit jingle. Là, d'un coup, quand les roches se mettent à tomber ou quelqu'un court après, là, il y a comme un beat accéléré. Tu sais, est-ce que toute cette belle musique-là, parfaitement, qui fit parfaitement, yeah, est là? Tu l'entends? Tu sais, c'est genre de tune que. Ben, c'est pas de la musique, ça, c'est juste un. Ouais. C'est juste un buzz. Mais c'est une ambiance. Attends, ça. Attends. Mais je te jure, c'est pas de la musique. Son le son, il est beau. Mais enlever la musique pour mettre des sons à la place parce qu'il n'y avait pas de son autre que le gun. Ben t'as peur, regarde, je vais aller dans un tableau précédent là, pour voir. Prison, disons. Ah! Non, là on est son. C'est vrai que tu n'es pas d'accord avec toi, ils ont rajouté. Il y a peu de musique. Dans ces scènes-là, il n'y avait pas de musique non plus au Super NES, mais quand c'était la catastrophe puis que tu te sauvais, il y avait une musique speedée qui apparaissait. Ouais, je m'en souviens. Mais ça, ils ont enlevé ça. Je trouve que c'est mais ça c'était dommage. Mais c'était pas des grosses parties de musique. Non, non, non. Mais c'était des mêmes trois tracks, là, mais qui fitaient dans les moments clés. C'était un vrai téléphone, les amours. Mais, tu sais, c'est dommage parce que visuellement, c'est super beau. C'est un classique. Tu sais, l'esthétique est un peu carrée, c'est le fun qu'elle soit restée. Ouais. C'est juste l'animation est excellente en plus. C'est dommage qu'elle ait été portée sur cette plateforme-là. Mais quand tu mourais aussi, puis là tu viens de mourir, ça faisait genre. Puis c'était super. Puis là, il y a. Non, là c'est comme. Il donne un tips, genre. Tu peux écraser les babettes en couchant dans le coin gauche en bas de l'écran, là, tu sais, là. Mais non, c'est super dommage. Parce qu'il aurait dû donner. Il pourrait donner un update avec une autre façon de contrôler ton personnage, ça aiderait, là. C'est la solution. Avec un iPad, ça fonctionnerait. La solution est simple, là, c'est que. Justement, il donne une option. Tu pognes une manette de Xbox. Que tu branches dans le fil d'écouteur. Dans un adaptateur. Dans le fil d'écouteur. Ben ouais, qu'est-ce qu'attends pour faire ça, une manette qui se branche écouteur, hein? Ça le ferait d'aplomb. Mais non, je suis pas c'est pas un achat. Ben en plus, là, ce qui a pas aidé, c'est que quelques jours avant, j'avais commencé à jouer à Sword and Sorcery EP. Ouais. Ouais, pis dis-le comme il faut, parce que Bruno, il va te ramener là. Qui est comme une espèce de héritier de Heart of the World. Ouais. Pis qui est vraiment. Qui a mieux fait sa job. C'est ça, fait que. Veux pas, là, c'était comme. Ouais. Tu sais, c'est comme. Faire de la méthadone. Bon, ben c'est ça, mais moi je vais continuer avec The Legend of Zelda Skyward Sword parce que j'ai fait enfin la critique à Monsieur Net à soir. Ouais, tu jouais à ça depuis belle lurette. Eh, Colin, mon gars, je l'ai reçu comme à peu près 2 semaines à l'avance. Ouais. Puis j'ai commencé à jouer, puis j'ai joué, j'ai été malade, j'ai pas pu jouer pendant 2 soirs, genre, continué à jouer, puis tu sais. Grosse gastro, c'est quoi. Un jeu. Non, pas une gastro, juste. Non, mais tu sais, les gastro. Moi, je trouve que c'est la pire maladie. Tu sais, il y a une affaire qui existe, on dirait que c'est la gastro-grippe. Ouais. Pas comme la gastro, mais la grippe en même temps. Tu sais, c'est là que tu te dis que c'est clair que Satan existe pour inventer des calamités pareilles. Donc, c'était pas une gastro-grippe. Non, c'était pas une gastro-grippe. Je pense que c'était juste la partie grippe, puis tant mieux, parce que maudit gastro, c'est dégueulasse. Ah, c'est terrible. Mais bref, j'ai fait la critique à soir, puis à Monsieur Net, tu sais, on a 3 minutes et demie. C'est 3 minutes pour quelque chose que t'as mis. 3 minutes et demie pour un jeu que j'ai joué. Ouais, j'ai joué presque 40 heures. Fait que c'est 10 heures de la minute dans le fond. Ouais. Fait que c'était un peu tough de tout dire. Fait que je voulais revenir là-dessus. Premièrement, direct en partant, j'ai donné 9.5 au jeu, ce qui est pas rien. Bouillard. Ouais, c'est quand même une grosse note. Puis ben franchement, j'hésitais à y donner un 10. As-tu déjà donné des 10 avant? Oui, j'ai déjà donné des 10. J'ai donné un 10, il me semble que j'ai donné un 10 à... Aladdin ou Genesis? Je pense que God of War 3, j'avais donné un 10. Puis je m'étais fait critiquer pour ça. C'est clair que quand tu pousses à... Mais tu t'as tout le temps critiqué quand pour un 10. Quand tu donnes un 10, tu te fais critiquer, c'est sûr. Mais tu sais, moi c'est comme n'importe quoi, ça fait partie d'une expérience complète. Si au final, je suis vraiment satisfait, puis que l'affaire qui m'a tapé ses nerfs, c'est que un moment donné dans le jeu, il y a une texture qui m'a popé dans la face, ben, ça vaut pas vraiment la peine d'y enlever des points pour ouais, ça. C'est ça. Ouais. Y a pas de jeu parfait comme tel, mais il y a des jeux qui approchent tellement la perfection que tu te vois mal y enlever des points, tu sais. Mais c'est ça, mais Zelda, c'était vraiment un foutu bon jeu. Puis pour une fois, j'ai complètement embarqué dans l'histoire. Moi, Zelda, depuis que ça existe, j'embarque, mais j'embarque, je suis comme entre les deux. Tu sais, j'embarque, puis j'aime le jeu, mais l'univers, l'histoire, puis tout ça, ça m'est arrivé souvent de faire un peu comme oh, ok, correct. Tu sais, j'étais pas trop sûr, j'embarquais pas tant que ça, puis c'est moi mes meilleurs jeux de Zelda, c'est Link to the Past puis Wind Waker. Ouais. Ça a vraiment été mes deux préférés. Après ça, j'ai beaucoup aimé Twilight Princess. J'ai pas aimé moi. Moi je sais. Mais moi j'ai vraiment aimé parce chien, que c'était ouais le avec loup, le chien puis Midna. Moi c'est Phantom Hourglass, man, mon underdog ah. Là. J'ai tellement trippé là-dessus, là. C'est j'ai vrai joué à ça, là, j'étais pas capable de crocher. T'as peu de Phantom, c'est pas le sur DS, DS. C'était avant le petit train. Avant le train, ouais. C'est le bateau. C'est le petit bateau, ouais. Non, ouais. Ça, j'avais aimé ça aussi. J'ai adoré ça. Mais c'est vrai que c'était le fun. Mais c'est aussi, justement, Phantom Hourglass, c'est basé sur Wind Waker. Ouais, c'est ça. Qui est, moi, pas mal mon préféré jusqu'à maintenant. Mais là, c'est devenu Skyward Sword, puis... La raison pour ça, c'est que, pour une fois, j'ai l'impression d'assister à pourquoi Link est obsédé avec Zelda, puis qu'est-ce qui fait que les deux ont un lien ensemble. Normalement, dans n'importe quel jeu de Zelda, ça s'appelle The Legend of Zelda, mais tu sais pas elle est où Zelda, t'as vois pas, t'es pas, t'as aucune connexion, tu comprends pas, tu sais. Tandis que là, tu vois au début, c'est un peu naïf, il y a comme une histoire d'amour entre les deux, puis la façon que le jeu a été animé, tu le vois dans les yeux, dans les expressions des personnages, qu'il y a quelque chose de fort qui se passe entre eux autres. J'ai trouvé ça super le fun. Puis en plus, tous les personnages qui sont autour, ça m'a fait penser à des séquences de la qualité des Final Fantasy pour ce qui est de l'animation faciale puis du feeling qui se passe entre ces personnages-là. Ça fonctionne au bout, c'est merveilleux. Fait que là, déjà au départ, moi, l'histoire, je suis super content. En plus... ton premier boss que tu rencontres, qui est finalement le vilain là-dedans, qui n'est pas vraiment Ganon, qui s'appelle, je pense, Jiraim, ou une espèce de nom bâtard, que c'est comme une espèce de bonhomme flamboyant, qui a l'air un peu, il est un peu drag queen, ses bars. Hein, okay. C'est, tu sais pas trop si c'était, tu sais, ben, c'est un gars, mais tu sais, il est un peu féminin, puis une espèce de costume weird, de piccolo, stretché, tu sais. C'est vraiment bizarre comme personnage, puis là, tu le vois arriver au début, tu fais comment, Galon, c'est sûr et certain que c'est pas le boss, puis tu t'aperçois qu'il est super méchant, puis qu'il y a des propos vraiment violents, puis vraiment sadiques. Fait que ça, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça, d'avoir un personnage qui amène une nouvelle saveur à la série, parce que jusqu'à maintenant, on est habitué de la même recette avec Zelda, puis en plus de ça, les ennemis, on s'en fout un peu, c'est tout le temps des grosses bébites, puis. C'est pas trop grave, ouais, les squelettes, c'est ça. Puis même les ennemis qui te parlent ont jamais eu ce genre de personnification-là. Tu sais, cet ennemi-là, ce méchant-là, moi, je le verrais très bien avoir son propre jeu. Là. Le méchant est tellement cool et tellement intéressant visuellement que tu te dis, crime, il pourrait faire le jeu à lui-même. Fait que ça, c'est le fun. Puis la fille qui t'aide aussi dans le jeu qui s'appelle Fée. Qui est comme, dans le fond, on a eu jusqu'à la date, on a eu Tingle, on a non, eu... Non! On a eu Tingle, il y a eu... voyons, Colin, ça se peut pas que j'oublie son nom. Nabi. Non. Ah, mais... Nabi, lui... Ouais. Attends, ouais, oublié, mais c'est bon, lui. Nabi. Ouais, c'est une bonne fée. Non, mais c'est ça, la petite libellule, que ça n'a pas d'allure que j'oublie son nom. Là. Nabi, qui était insupportable, tu sais. Puis dans le dernier jeu, on a eu Midna aussi, qui nous aidait, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai toujours trouvé ces sidekicks-là assez intéressants quand même, surtout Midna. Ah, t'es freak, mais non, elle était freak, puis elle était bizarre. Tu sais pas si tu devais en avoir peur ou si tu devais être allié, tu sais. Puis là, Fée, c'est comme, c'est l'esprit d'une déesse. Fait qu'elle arrive, elle est un petit peu robotique sur les bords quand elle arrive. Puis après ça, j'ai trouvé ça drôle parce que quand tu finis un donjon, tu frappes sur un logo de Zelda avec ton épée, puis elle commence à dire une espèce de poème, puis elle danse comme elle fait les high escapades un peu partout dans le tableau. C'est comme si elle faisait du patinage artistique sur l'eau. Puis ça a été un des moments du jeu que j'ai trouvé les plus bizarres. Ça a comme pas collé avec moi. Fait ça, c'est une affaire que j'ai moins aimé, que j'ai pas pu dire tantôt dans la critique. T'as comme un blocage, toi, sur le patinage artistique. C'est une mauvaise expérience quand t'étais petit. Ouais, ma mère t'a inscrit au patin, maintenant je t'ai inscrit au hockey. J'ai tout le temps eu ça, le patin. J'ai jamais eu ça, le patin. Je veux jamais voir ça. J'ai moi patience avec le patin. C'est ça. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, tous les personnages sont super intéressants. Puis... ça, j'ai pas eu la chance d'en parler tantôt. Puis aussi, je voulais dire que la jouabilité est écœurante, là, tu sais. Pour la première fois, t'as vraiment l'impression d'être en contrôle total de ta manette. Okay. Puis sur la Wii, j'ai jamais vraiment senti ça, là. T'sais, j'ai tout le temps senti que tu fais n'importe quoi, puis ça fait n'importe quoi au final, tu sais. Mais un peu, là. Il y a eu Red Steel 2 que j'ai trouvé que t'as vraiment un contrôle solide. Là, t'as joué avec la manette en or. La manette en or, ah, ouais. C'est pour ça. Ouais. C'est l'or, ça. C'est l'or. Mais ouais, c'est ça. C'est non, l'or, en fait. On va pas vendre ça, là, comme un épais, là, dans deux semaines, toi. Mais non, là, ben, non, ben non, ben non, ben non. Avec t'sais... la manette. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que auparavant dans Zelda, tous les ennemis, je veux dire, tu bloquais sur l'ennemi, puis après ça, tu frappais, puis ta job était faite. Ouais. C'était pas compliqué, c'était comme clac, clac, clac, clac, clac, puis c'était fini. Tandis que là, faut vraiment que tu utilises beaucoup de stratégies. Là. Tu vas voir ton ennemi, là, un moment donné, tu as un crocodile, il y a une espèce de brasseur en métal, puis il se le met en face. Là, tu le frappes. Là, finalement, il met où est-ce qu'il y a ton épée. Fait que là, tu t'aperçois, le crocodile, il est pas en train de faire quoi que ce soit pour ses jambes. Fait que là, tu y frappes les jambes, tout ça, tu frappes par en bas. À un moment donné, il se rend compte de ta stratégie. Fait qu'il s'adapte aussi à ta stratégie. Ah, ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que c'est écœurant, tu sais. Ça va plus loin que juste, genre, faire un roll sur le côté pour le piquer dans le dos. Ouais, mais ils ont toutes leurs propres stratégies, puis il y en a là-dedans qui sont un petit peu plus tough que les autres. Ouais. Fait que ça, c'est le fun, parce que c'est rendu que, même à la limite, j'irais jusqu'à dire que j'ai eu plus de fun à tuer les ennemis qui se retrouvent un peu partout dans le tableau que de tuer les boss. OK. Parce que les boss, je les ai pas trouvés si tough que ça. Puis dans les boss, ce qui est le fun, c'est qu'avant, tu trouvais un objet dans ton tableau, puis cet objet-là, ça te permettait de tuer le boss. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas juste ça. Okay. T'as, des fois, t'as ton objet, oui, tu vas t'en servir, mais aussi, il va falloir que tu te serves de ton épée. L'épée, c'est tout le temps le point central de tout. Là. C'est avec ça que tu vas faire le jeu, c'est avec ça que tu vas finir le jeu, tu sais. Es-tu nouvelle, cette épée-là? C'est la Skyward. Ouais, la Skyward Sword. Ça vient, à vrai dire, d'une déesse. L'histoire du jeu, c'est que... c'est pas ta bonne vieille épée, là. C'est une nouvelle épée. Non, c'est une nouvelle épée. C'est une nouvelle épée, même que Hyrule est pas super présent là-dedans. Ouais, c'est vraiment... spécial, c'est comme ça. Si c'était une réimagination. Parce que l'histoire... puis pour une fois, c'est une histoire qui m'intéressait vraiment beaucoup parce que c'est très dark pour un jeu de Zelda. Au début, on t'apprend que auparavant, sur la Terre, il y avait une tonne de monstres maléfiques qui sont venus mettre à feu et à sang la Terre. Ils ont littéralement pratiquement tout détruit ce qui existait. Puis il y a une déesse qui a pris qui les a battus avec cette épée-là, puis qui a pris le reste des survivants, le reste de la Terre qui n'était pas ravagée, pour l'amener dans le ciel. Ah, OK. Fait que là, c'est ces survivants-là, puis toi, t'en fais partie. Puis là, c'est pour ça que ça s'appelle The Legend of Zelda, parce que ça, c'est une légende. Puis là, toi, tu vas partir ta légende avec le Skyward Sword. Okay. Parce que tu vas trouver cette épée-là qui appartenait à cette déesse-là. Puis cette épée-là, justement, comme de fait, elle a des pouvoirs mystérieux, comme justement un pouvoir de fée, qui est l'espèce de fée qui fait du patinage artistique, qui sort de ton épée. Fait que, tu sais, elle va t'aider durant le jeu. En plus de ça, ce qui est le fun, c'est que Fée, elle ajoute un système de détection. Ce qui fait que, admettons que t'es dans une forêt, puis tu sais pas vraiment où aller. Elle, en pesant sur un bouton, tu vas pouvoir tourner avec ta manette, puis voir vers où tu dois aller pour aller trouver Zelda. Ah, ben c'est bon. Fait que ça te montre le chemin à suivre. Il y a aussi les petites pierres espèce de pierre qui donnait des trucs dans les autres jeux de Zelda. Mm. C'est encore présent, mais c'est sur le village de Célestbourg, qui est le village dans le ciel. Donc, si tu veux y accéder, c'est pas facile, là, tu sais, c'est... Faut que tu te rendes dans le ciel, faut que tu ailles là. Fait que faut vraiment que tu veux avoir des indices, tu sais. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur, qui disait « Ah, Zelda, ça va être trop facile, tu sais. Ils vont tout te donner des trucs, ils vont te prendre par la main. » Non. Ils te prennent pas par la main, pas en tout, là. Tu sais, faut vraiment que toi, tu te dises « Ben, je suis plus capable d'avancer, j'ai besoin d'aide. » Fait que là, à ce moment-là, c'est toi qui fait la démarche d'aller trouver de l'aide dans le jeu. On n'est pas dans un mood à la New Super Mario Bros. Là, parce que quand non, ça c'est fait... ça, les Super Guys. Ouais. Ah ouais. Montre une vidéo de comment faire. Là. Mais c'est ça, mais là-dedans, quand tu vas le chercher, ça, comme de fait, c'est ça qu'ils font. Puis ça te montre une vidéo qui me fait ça me fait penser aux vidéos que tu vois au début des tableaux dans Prince of Persia. C'est drôle, on parle de Prince of Persia deux fois aujourd'hui, ouais. Mais c'est ça, au début d'un tableau, tu vois des flashs, comme... Puis là, tu vois où est-ce que tu vas aller. Ouais. Ça fait un peu le même genre d'affaire. Puis là, ça te donne la solution. Fait que, tu sais, c'est plate. Moi, je suis allé le voir une fois pour le fait de la critique. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ce que c'est. Au moins, je vais pouvoir en parler. Je ne peux pas en parler. Mais ben, c'est ça. Là, j'en parle. Puis, tu sais, c'est le fun que ça soit là parce que les joueurs qui ont un peu plus de misère peuvent y accéder. Mais. Le reste du monde, c'est plus ou moins intéressant, tu sais. Ben ouais. C'est pas plus accessible. Les filles. Les cabertures. Les filles. Non, ce qui est le fun dans ces Zelda-là, c'est que, pour une fois, moi, ce qui m'a toujours écœuré des Zelda, c'est que tu passes énormément de temps à te promener dans un terrain vide pour te rendre à un donjon. Là, c'est le contraire. C'est que tu te promènes dans une merveilleuse forêt. Puis dans cette forêt-là, il y a plein d'ennemis, il y a plein de choses à faire, il y a plein de trucs à découvrir, des puzzles, des ci, des ça. Fait que ça, c'est le fun. T'as du fun en te rendant à ton donjon. Puis j'irais jusqu'à dire même que j'ai eu plus de fun à faire ces parties-là qu'à faire les donjons, tu sais. Les donjons sont super le fun, puis sont vraiment intelligents, puis il y a des bons puzzles dedans. Mais la meilleure partie du jeu, ça se passe à l'extérieur des donjons, tu sais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est le côté cinématique du jeu. Il n'y a jamais eu de Zelda aussi cinématique que ça. C'est un orchestre qui fait la musique. Puis quand tu rentres dans un donjon, là, c'est comme tu vois Link, tu vois les portes s'ouvrir, tu vois Link rentrer, puis tu vois sa face, tu vois qu'il y a vraiment la chienne. Ah ouais. Tu vois qu'il est effrayé, okay. Mais là, après ça, il prend celui, puis il descend comme l'air fier, genre, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, tu sais. Puis c'est pour ça, j'ai comme, tu sais... Toutes ces affaires-là, ça te donne... Ça venait me chercher, là, ouais, je trouvais ça tellement cool, parce que ce jeu-là, émotivement, sérieusement, il vient te chercher. Quand tu t'investis dans l'histoire, puis tout... Crime, t'as le goût d'aller sauver Zelda. Là, pour la première fois dans ma vie, moi, je sens. Tu sais, I care. Tu sais, je voulais vraiment la sauver. Tu sais. Puis c'est ça qui est le fun parce que même t'as une autre personne, une gardienne de Zelda, une grande dame qui va aller l'aider aussi. Puis elle qui va te dire, tu sais, comme non, Link, c'est pas encore ton temps. Puis tu sais. T'as pas encore prouvé que t'étais assez fort pour la garder, tu sais. Puis ça, c'est le fun, non. Tout ce côté-là. Puis Link, il est comme fucké. Puis c'est un jeune qui essaie de devenir un grand chevalier. Puis je trouve qu'ils ont traité Link comme il aurait toujours dû le traiter. C'est pas un badass, Link. Link, c'est comme c'est un petit gars qui veut devenir. Ben, ouais, mais dans Twilight, là. Il est plus deep, là. Il est dans ses affaires. Puis la façon qu'ils l'ont faite, juste le look du jeu, puis tout, puis son regard un peu ténébreux, c'était d'autres choses, tu sais. Mais on avait besoin qu'il mette badass dans Twilight parce que là, je sais pas, on était... Ben l'univers là. Fonctionnait pas non plus pour qu'il soit up la vie. Là. Non, c'est ça, mais on était... me semble on était rendu là à voir Link badass aussi, ouais. Parce qu'on l'avait vu bien sweet, tu sais, puis Wind Waker, ces affaires-là, il était même rendu un petit bonhomme tout souriant, ouais. Tu sais. Mais pour moi, c'est ça en même temps, mais c'est Link aussi en même temps, là, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. C'est un enfant slash ado, là. Ah oh, ouais. Tu sais, il est tout jeune, là, ce gars-là. Là. C'est pas, il n'a pas 34 ans, là. Tu sais, C'est quand même drôle, mané, de voir une itération où c'était 40 ans. Il y a 40 ans. Non, moi, j'avais vu sur Internet aussi. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est le personnage qui se ferait le moins bien en version, tu sais, mature, adulte, vraiment dark. Je trouve que c'est la façon de le faire, moi, c'est clair. C'est clean. Puis je me dis, gardez le côté enfantin, cute, qui me fait penser au film, comme le dernier me fait penser au film de Miyazaki. Mm-hmm. C'est vraiment le même genre d'univers, un petit peu naïf, très coloré. Puis, l'autre version de Link, pour moi, elle marche un peu moins bien. T'sais, je me dis, tant qu'à faire un jeu mature pour Nintendo, concentrez-vous sur Metroid. Metroid, là, Samus Aran, là, ça a la possibilité là, d'être la plus badass. Mais là, je suis les Metroid Prime, là, si, mon ami. Ouais, moi, je suis un peu tanné. La personne, là. Ben, il se contrôle bien, tu sais, c'est correct. Mais c'est des super bons jeux. Moi, ça me fait jouer embarqué, tu sais, autant qu'un 2D, là, jamais. Là. Non, moi non plus, là. Ben, j'ai été un des seuls gars à aimer Other M, tu sais. Ah, non, mais moi, Other M, j'ai capoté là-dessus. Moi, j'ai vraiment trippé parce que... J'ai eu du fun. C'est un mix des deux, c'est parfait, là. Ouais, puis malgré que ça a bien chialé parce qu'il est supposément pas assez long puis pas assez difficile, oublie ça, l'expérience. C'est parfait, ça. L'expérience était le fun. Ça mélange les deux, il est pas trop long. Moi, on va le droit de l'acheter demain. C'est ça que ça me ferait. Moi, ce que j'ai toujours aimé des Zelda, c'est que, tu sais, c'est jamais à virer fou, là. Il y a pas de. Ben, en tout cas, de ce que j'ai fait comme expérience, il y a jamais de moment où tu fais là, c'est trop difficile, tu sais. Ouais. C'est comme, tu sens que la coche, elle monte tout le temps un peu de difficulté, mais tu sais, ça va être facile, ça va être possible de le passer. Puis, c'est toujours ça que j'ai aimé dans Zelda. Ouais. Là, que tu sens que oui, c'est plus difficile, mais c'est faisable. Mais c'est accessible quand même. Puis là, cette fois-là, ce que je trouve le fun, c'est que c'est toi-même qui apprends à devenir meilleur, tu sais. Même si tu allais chercher sur Internet là, comment battre tel ennemi, là, probablement que tu n'auras pas les explications qu'il te faut. Parce qu'il va falloir que tu le fasses toi-même, il va falloir que tu frappes à bonne place avec ton épée, puis il va falloir que tu sortes ton bouclier au bon moment. T'sais. Fait que toute cette technique-là, c'est le fun, parce que même si tu as des trucs, pas ça nécessairement qui va faire que tu es un bon joueur. Là. Puis une autre affaire que j'ai trouvé cool, c'est que tu peux mettre à niveau toutes tes armes maintenant. Quand tu ramasses quelque chose, quand tu trouves de quoi dans un coffre, ben ça te sert à quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Tu veux dire, ton épée, elle se booste, là? Ton épée, ben non, c'est pas l'épée. C'est, mettons, bouclier. OK. Il y a justement une espèce de slingshot. Le slingshot, tu peux le mettre à niveau. À la fin, il lance des balles de feu, des météorites avec ça. Ben c'est parce qu'il y en a une amélioration, il lance des rafales de pierre, ça coûte une pierre. OK. Fait que là, c'est le fun, tu sais, comme... Puis là, ça détruit ton bonhomme. Puis, une affaire que j'ai trouvé aussi vraiment cool, c'est qu'il y a une nouvelle patente dans Zelda qui est super le fun. C'est comme une espèce de pas une libellule, mais plus une espèce de coccinelle téléguidée. Ce scarabée-là. Mais moi, j'avais pas trouvé que c'était comme la fin du monde, cette affaire-là. Là. Non, mais c'est pas une trouvaille, c'est pas une idée de génie. Ah, c'est-tu l'affaire qui est ouais, comme mais c'est quand caméra. Tu joues ouais, c'est avec. Ça. T'es comme dedans, là, puis tu le contrôles, il va peser sur une Switch ou pogner un item. Mais l'affaire d'homme qui fait que c'est intéressant, puis qu'on n'a pas pu voir ça au poste 3. C'est que ce scarabée-là tombe en amour avec une scarabée. Ils font des petits scarabées. Non, c'est que tu le contrôles, puis après ça, tu sais, ta première version. Ouais. C'est juste une espèce de petit scarabée qui peut couper des cordes. Ouais. Fait que là, genre, tu coupes des cordes, tu fais tomber des portes, des trucs de même. C'est super le fun, ça marche au bout. Sauf qu'après ça, tu t'en vas à mettre à niveau, puis là, elle peut transporter des affaires. Ouais. Fait que là, mettons, il y a une ruche d'abeilles, je peux la transporter, puis la laisser tomber sur un ennemi qui s'en rend pas compte encore. Je peux pogner des bombes, puis aller les dropper à certains endroits, aller allumer des switches, tu sais. Il y a plein d'affaires que tu peux faire avec tes armes quand t'es mis à niveau. Fait ça, c'est trippant. Le jeu évolue puis change aussi quand tu t'investis puis tu mets du cash dans tes armes, tu sais. Y a-tu des affaires essentielles qu'on peut manquer en ne faisant pas ça, tu sais? Y a-tu comme une place qu'il faut vraiment que t'ailles? Oui, tu pourras juste pas avancer. OK. Vraiment, là, y a t'as des pas le choix de garder tes affaires à jour. Exact. Tu sais, mais il s'arrange tout le temps dans le jeu pour qu'il y ait certaines armes que c'est sûr que si tu l'as pas, tu peux pas avancer. Sauf que tu peux quand même, d'après moi, tu peux quand même finir le jeu même si t'as pas tout. Là. Mm-hmm. Tu sais, tu peux avoir une expérience différente toutes les fois. T'sais. Moi, je suis rendu à... T'es rendu où dans ce jeu-là? Moi, je suis rendu presque à la fin. Là. Je ne l'avais pas fini au moment de faire la critique parce que je serais juste mort présentement, je pense, parce que j'aurais pas assez dormi, tu sais. Ah, mais c'est capoté, là. C'est énorme, là. C'est 40. 40 heures, c'est si tu fais, ben, pas le strict minimum, mais tu sais que... C'est pas mal ça, quand même, parce que j'ai pas trop ramassé. Parce que le dude, là, qui qu'on a parlé, là, de... Ouais, vous en avez parlé Zelda à votre show, vous autres, là. Ouais, ouais. Zelda Source. Lui, il nous disait que ça pouvait aussi entre 40 et 60 heures. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que si tu ramasses, admettons, il y en a qui ramassent tous les insectes. Ouais. Les insectes, pour mettre à niveau tes potions, tu sais, pour faire d'autres potions. Mais t'es pas obligé de les avoir. Ouais, ouais. Fait que là, il y en a qui vont chercher toutes ces affaires-là. Ils vont chercher tous les défis, les missions secondaires, tu sais. 60 heures, là. Tu sais, il faut que tu sois passionné. C'est l'ouvrage. Mais tu sais, Twilight Princess, là, c'était entre 80 et 100 heures. Ah, moi, je m'en souviens quand je l'ai fait. Quand je l'ai fait. Je pensais que je Ah, boy, non. Parce que moi, quand j'ai fait Twilight Princess. J'avais énormément de temps dans ma vie, j'avais pas d'enfant, tu sais. Puis je me souviens, j'ai même regardé ma critique une autre fois, puis j'ai dit, tu sais, ouais, je suis rendu à 80 heures. Puis j'étais vraiment à 80 heures. je travaillais à la bibliothèque dans ce temps-là, puis j'avais pas d'enfant non plus. Ok. Puis, je sais pas. T'étais relax, mon gars. Je l'ai pas assez. Bibliothèque, pas d'enfant. Ah non, c'est ça. Ouais. Dans le temps que j'avais une vie, là. Mais. Non, mais j'ai pas calculé le nombre d'heures. Je sais que je l'ai passé, Twilight Princess. Mais ma soeur. Mais tu peux le passer aussi sans faire autant d'heures. Mais ouais, c'est que. Mais quand tu fais les missions secondaires et tout, c'est. J'avais passé très long, pas là. Pire de temps dessus, là. Oui. Mais Skyward Sword, ça, je l'ai pas fait. Mais je pense que moi, je l'ai peut-être passé en tout cas. Je l'ai laissé tomber, le jeu, là. Ça sent mal, là. Ah, mais parce qu'il y a tellement de stock. J'y arrive plus, là. Puis là, je suis rendu à un point où est-ce que ça fait tellement longtemps que je l'ai laissé tomber que je vais y retourner, puis. Ça va me laisser froid. Ah, tu seras plus dedans. Je serai pas dedans, pas en tout. C'est comme un roman, là, ça. Ouais. Tu sais, là, un jeu que t'abandonnes en partie. Ouais. Parce que... Ça dépend des jeux. Comme Saint-Sure, ouais. Tu pourrais le reprendre n'importe quand. Ouais, quel, ouais, ouais, ouais, c'est différent. Là. Mais un jeu qui a une histoire, là, tu sais, comme... Fallout, par exemple, là, Fallout 3. Ouais. J'ai essayé trois fois plutôt qu'une d'embarquer dans le jeu-là, puis... Tu sais... c'est pas mon... À chaque fois que j'essayais... Je repartais du début, je savais que j'allais être un bébé, puis là, j'étais calice, que j'étais curé de ce bout-là. Puis la troisième fois, là, oublie ça, là, j'ai pété un patch, puis j'ai dit, c'est pas pour moi, jeu, là. Ah oui. Tu sais, là, j'ai... Ouais. Pis... Mais tu sais, il y a des romans, tu sais, que tu vas starter dans la vie, puis c'est bon, puis tu voudrais le finir, mais il arrive de quoi, tu le finis pas. Ouais. Pis là, quelques mois plus tard, tu veux t'en mettre dedans, Je suis en train de lire La Grosse d'à côté... est enceinte de Michel Tremblay. Là. En fait, j'ai un book, genre 2 pouces d'épais, de les chroniques du plateau Mont-Royal. Ouais, je me suis embarqué là-dedans. Là. Ça, c'était avant qu'on commence à faire Rétro Nouveau. Ouais. Maintenant, j'ai plus le temps de lire. J'étais un gros lecteur. T'sais. Puis là, je l'ai lu à peu près la moitié t'sais, de La Grosse d'à côté. C'est ça, La Grosse femme d'à côté. La Grosse femme d'à côté. Femme d'à côté. Puis, je peux pas y retourner. Là. Il y a tellement de personnages là-dedans. Ouais. Il y a tellement de stock. Ah, t'as tout perdu. C'est... Faut que je recommence du début. T'sais. Fait que toi, avec Twilight Princess, t'es fourré. C'est... Je suis fourré. Je peux mais pas. Mais justement, dans Skyward Sword, non seulement dans le menu principal, ça dit c'est quoi la dernière affaire que t'as fait. Ça, c'est le fun. Mais quand t'arrives dans le jeu, tu parles à la fille qui va sortir de ton épée, qui fera pas de patinage artistique. Elle va te dire, tu sais, tu peux lui demander, mettons, tu lui dis, donne-moi la destination, fais-moi un résumé, fais-moi ci, fais-moi ça. Tu peux lui demander plein d'affaires. Fait que là, tu peux lui dire résumé. Puis là, elle va te dire, OK, t'as accompli ça. Maintenant, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est un bel ajout. Fait que c'était écœurant parce que là, tu sais quoi faire même si tu l'as lâché. Ouais. Puis même moi, des fois, là, c'était j'avais joué la veille. Puis j'avais tellement fait d'affaires que là, j'arrive, je suis comme, c'est quoi qu'on faisait donc, hier? Puis moi, il y a ce que j'appelle le facteur de la dernière demi-heure. Là. Ouais. Tu sais, là, que t'es, tu joues, t'es dedans en crise, pis là, tu fais une mission, tu vas être dernière, man. Ouais, ouais, ouais. Là, la dernière demi-heure s'enclenche. Ouais. C'est sournois, tu t'en rends pas compte, mais tu viens comme dans un état de fatigue extrême, ouais. Mais ouais, ouais. Tu sais, tu dis, ben là, j'ai commencé, faut tu veux, pareil, mais ça. Ah, ouais. Tu finis jusqu'au prochain save point, là. Ouais, tu dis, ah, je vais trouver un autre save point. Tu vas te coucher, pis le lendemain, tu te rends compte que ton cerveau, tu sais, dans la dernière demi-heure, ben, en fait. Ok, man, je continue à filmer, mais j'enregistre plus. Là. Ouais, c'est ça. Vraiment. La caméra est restée ouverte. Moi, j'arrête. C'est ça. Puis là, t'es comme, tabarouette, man, j'ai aucun souvenir. Mais... tu sais, après ça, moi, c'est parce que, tu sais, il doit comprendre par instinct, il va dire, c'est totalement inutile comme information. Ouais. Ça m'a survi, là, ça me sert absolument rien. Exemple, puis c'est ça. Fait. Puis je pense qu'il y a bien des créateurs de jeux là, qui ont allumé cette année. Ouais. Il y a Skyward Sword, il y a Driver San Francisco aussi. Oui, il te fait tout le temps un résumé, wow. Ça c'était 40 dans l'épisode précédent. C'est comme tout le temps, là tu fais ah, merci, c'est mon comme un... C'est comme une série télé. Ouais. Puis il y a Deus Ex aussi qui le faisait. Ouais. Que... Hey, Deus Ex. C'est ouais. Vraiment une bonne idée. Il est pas cher, usager, là. Parce que. Deus Ex. Tu sais, moi je vous regarde aller, vous autres, là, les maniaques qui achètent les jeux à leur sortie hein, constamment, là. Tu sais, Dead Island est sorti, puis là, c'était comme la grosse affaire, puis après ça, 4 jours après, puis personne n'en parlait parce que l'autre affaire sortait. Puis tout ça, là, Deus Ex, on en a parlé pendant 4 jours, c'était la fin du monde, après ça, c'est terminé parce que l'autre jeu arrive. Là, Deus Ex, il doit être pas cher à cette heure. Non, pas encore. Ça baisse pas. Pas encore, ça baisse pas, puis je pense pas que ça va baisser pendant les 2, 3, 4 prochains mois. Ça va être, moi, ça va être un pas jeu... que tu me 2, 3, 4 prochaines années. Non, je suis capable d'attendre 2, 3 mois. C'est ça. Mais pas année, mais moi, je suis persuadé qu'il va être encore cher jusqu'à l'été prochain. Okay. Parce que c'est un succès mondial, phénoménal. Il est même pourquoi, pas sorti. Pourquoi il, je pense qu'il vient de sortir au Japon. Ben en fait c'est parce... Tout le monde en parle. C'est... Qui ça? Personne n'en parle? Tout le monde parle de Skyrim. Ouais, donc, là. D'entendre parler de Skyrim. Ouais, mais là, tout le monde parle de Skyrim ouais. Parce que Skyrim s'est sorti la semaine passée. Moi, j'en ai parlé encore de Deus Ex. Oui, j'ai entendu. Ouais, en c'était à l'extension. De Missing Link. C'était à l'extension. Ouais. Mais c'est ça, je trouve. Je trouve que les gros jeux. Enfin, on en parle, là, comme si Jésus revenait sur Terre, man. Puis trois jours après, on s'en sac, là, parce que c'est terminé, man. Ouais, mais on ça parle pas c'est qui. Moi, je m'en sac pas. T'en sacs pas, toi? Tu joues-tu à Dead Island aujourd'hui? Puis à mais Dead Island, je l'ai passé, c'est fini. C'est fini, ah, c'est bon, plus grave. C'est ça, mais c'est ça qui arrive. Les gens, ils finissent immédiatement. Puis moi, à minute que je parle d'un jeu, c'est que je l'ai passé. Ou ouais. Que dans les heures qui vont suivre, là, tu sais, je sais que je vais le passer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, il y a ces jeux-là, sinon, il y a les jeux qui restent tout le temps. Tu sais, comme là, justement, Driver San Francisco, c'est le meilleur exemple. Moi, ce jeu-là, c'est... Je l'ai acheté, c'est quoi, il est sorti au milieu de l'été, je pense. Ouais, moi, mon Dieu. Il me semble fin juillet. Ouais. Bon, on a parlé. Puis on a parlé. Tu venais d'accoucher. Ouais, c'est ça, je venais d'accoucher, fait que ça veut dire au mois de septembre. Ouais, fait c'est que, dans ce point-là, c'est ça. Puis c'est ça, puis moi, ce jeu-là, tu sais, il reste là, puis je continue à y jouer. Mortal Kombat, même affaire. J'ai aidé chez les jeux de faire fighting, c'est différent. Moi, c'est Borderlands. Moi, Borderlands, j'ai acheté. Ah oui, aussi, je l'ai acheté sur PS. J'ai acheté la Game of the Year. Ouais. Puis j'ai passé le Borderlands le premier, là j'ai passé l'île du docteur Ned en tout cas. Puis je passe tranquillement pas vite chaque extension. Puis ce que j'aime de Borderlands, c'est que tu peux passer 4 mois sans jouer. Ouais. Tu l'emmènes dans la machine, puis tu check ton briefing de mission, puis hop, hop, hop. C'est comme un bon ami. Ah, c'est vraiment, ouais. Tu le retrouves là, comme si, tu sais, ça fait 4 mois, puis c'est comme si tu y avais parlé hier. Puis c'est le fun, puis... Tu sais, moi, le 2, il y a plein de monde qui me disait, hey, oh, quel 2 sort, tu vois. Puis je dis, ouais, mais t'as de choses aux extensions. Ah oui, j'ai acheté la Game of the Year, mais j'ai pas joué aux extensions. Man, ça arrête d'avoir hâte aux 2, joue aux extensions, puis crisse-nous à paix, là, tu sais. Mais c'est ça, il y a aussi beaucoup de monde qui lâche rapidement, là. Il ouais. Trip, il trip, là, ben gros pendant une semaine, puis après ça. Ah, moi, ça dépend. Alors, regarde, tu sais, moi, Deus Ex, je l'ai conservé. C'est long, ça, Deus Ex, je peux pas croire. Ouais, je l'ai conservé. En plus, ça a l'air d'être assez profond, oui, genre oui. Tes updates que tu fais sur ton personnage. Moi, je l'ai conservé vraiment jusqu'à temps que Missing Link sorte parce que je savais qu'il allait avoir un DLC. Ben, regarde, ça y est. Puis, tu sais, finalement, ils m'ont comme déçu. Fait que je suis allé le vendre. Non, ben, parce que je me disais. Parce que tu l'avais fini, t'avais tout fait ce que t'avais à faire. Mais tu sais, il y a des jeux, tu sais que c'est terminé, là, tu l'as. Mais tu sais, c'est tough, là, garder un jeu. Ouais. Ben, tu sais. C'est parce que tu veux l'argent de la revente, dans le fond. Là. Moi, dans le fond, c'est pour assurer mon roulement. Je me sens comme ça, une petite compagnie, là, qui, tu sais, qui s'est mis un start-up. Ben, c'est start-up. Tout le monde, là, je pense. Puis là, ils roulent sur ça, tu sais. Pis... Ah non, parce qu'écoute, moi, si j'avais 400$ à mettre sur des jeux toutes les semaines, là, j'aurais la plus grosse bibliothèque. Une pièce, c'est juste ça. Ah, non, mais tu sais, j'ai pas cet argent-là, puis en même temps, tu sais, comme justement, tu sais, quand je fais des critiques à Monsieur Ned, veux pas, le jeu, là, je le vis là, intensément là, pendant les deux semaines qui précèdent ma critique, puis une fois que j'ai fait ma critique, là, ah, c'est sûr, t'en as plein comme... de pièces, là. Ouais, ah, mais là, Zelda, t'sais, tu le finisses, là. Ouais, Zelda, je suis proche de la fin, pis tu sais, je suis vraiment dedans, là. Fait que tu sais, c'est sûr que je vais le finir, pis ça va mais être quand? Top, ça va être là, t'auras pas le temps, parce qu'à Monsieur Net, voilà, tu joues au prochain gros jeu. Ben, t'sais. Le prochain jeu, ma prochaine critique, jeudi prochain, c'est GoldenEye 007 Reloaded. Ok. Fait que ça, c'est moins difficile, des jeux comme ça, justement, parce que c'est pas. Hey, c'est pas une quête gigantesque. C'est pas un grand investissement personnel. C'est non, ça. Ça demande pas autant de cerveau, ben, franchement, non, pour ça. Analyser un jeu comme ça. Là. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose. Mais, tu sais, pour en revenir à Zelda, parce qu'on a dérapé sur le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce segment-là? On va-tu juste le couper? Non, on le coupera pas. On va le laisser dedans, puis je vais nommer ça autre chose. Ben c'est ça, on parlait des sauvegardes tout à l'heure, il y a des sauvegardes partout dans le jeu, fait que ça c'est cool aussi, ils ont mis partout. C'est-tu automatique ou c'est toi qui... C'est pas automatique, c'est toi qui est fait. Ok. Fait ça serait le fun automatique, hein? Non? Ouais, l'affaire qui arrive avec l'automatique, c'est que des fois ça sauve à des endroits où t'as pas vraiment le goût que ça sauve. Mm. T'sais, t'as soulevé un point avec Uncharted qui est totalement vrai, t'sais. C'est des fois, t'sais, tu cours jusqu'à quelque part... Pis là, ça a sauvé. Puis admettons, tu crèves, admettons, sur un balcon, mais t'avais 6 mètres à passer que d'ennemis. T'as pas tué ces ennemis-là, t'as juste dit là, make a run for it! Fait que là, tu t'en vas sur le balcon, ça sauve, tu crèves, tu reviens, ah, t'es sur le balcon. T'as plus besoin de passer tous les ennemis qu'il y avait auparavant. Fait que des fois, ça, c'est un peu plat. Tu sais, t'as presque envie de dire, ben, j'avais envie de ce challenge-là. Ouais. Ouais, c'est ça, ça skip dans le sauf que eux autres, si tu leur dis ça, chose qui a été faite sur Internet par rapport à Uncharted, vont dire comme, ben, ils jouent comme du monde. Ouais, sauve-toi pas. C'est un peu vrai, tu sais. suis la règle qu'on a fait. Ouais, tu sais, c'est comme, ben, regarde, il y avait des ennemis en avant de toi, à place des tués. T'as décidé de faire le wuss pis de te sauver. Ouais. Fait que tant pis pour toi, t'sais. D'accord, t'sais. Moi, je suis comme, j'étais 50-50 quand j'ai vu ça. Je vais sacrer mon camp d'ici, là, pis on verra bien. Puis... Mais c'est pas correct. Ah, il aurait dû penser à ça, là, ben ouais. T'sais, c'est pour certain. Éviter toute confusion, là. Mais t'sais. C'est pour ça que les sauvegardes automatiques, c'est pas cool. Parce que même dans Deus Ex, moi, j'ai eu ce problème-là. Moi, j'ai eu un sacré problème dans Deus Ex. Moi, ça m'a fait décrocher. Moi, c'était le premier gros boss de Deus Ex. OK. Le gars, le dude, il tire des grenades, OK, tu sais. Puis, on s'entend, là, c'est un moment, là, vraiment, là, que t'es pas gros dans tes culottes. T'as pas grand-chose pour te défendre. Puis là, il y a eu un automatique save, là, sorti de nulle part, où j'étais en arrière. Ce qui me servait de cachette, c'était des barils explosifs. Puis là... Fait que là, ça load. Pis j'avais le gros doute que le save, dès qu'il startait, ben, il me pitchait une grenade. Mais c'était pas genre, moi, de pitcher une grenade. C'était, je suis en train de te pitcher une grenade. T'as peur, man, là, tu sais. Non seulement ta grenade, elle fait vraiment mal, mais il y a comme, je suis entouré de barils qui explosent. Ah, non, c'est pis je m'apprêtais à reloader mon gun, tu sais. Ah, plus dans la merde que ça, là. Tu sais, c'est comme... Mais c'est précis, pareil, là. C'est pointu comme situation. Tu sais, t'es dans l'espace, puis tu décides sur un coup de tête de sortir pas de scaphandre pis dire ah, moi je pisse dehors à soir. Ouais. Mais quand tu sais, là j'étais rien, ça n'a pas de bon sens, man. Ça m'a tout pris pour me sortir de ça. Puis j'ai failli à ce moment-là fermer le PlayStation, mettre le disque dans la pochette, puis faire off là, tu sais. Ouais. Moi j'ai Metal Gear Solid Sons of Liberty, le deuxième au PlayStation 2, mm-hmm. je suis sur ma game présentement que j'ai refaite. Raiden, il est sauvegardé à la fin contre le boss de fin, mais pas de ration, tu sais. Pas rien. C'est, faut que je tue le méchant de la fin qui est crissement dur, mais avec rien, tu sais. Genre, cold turkey, drette de main, mon gars. Là, j'ai arrêté. Je joue plus. Hein, j'ai arrêté de jouer à partir de ce moment-là parce que, comme ça a sévé, puis je savais pas, puis j'ai pas gardé mes rations, j'ai pas fait attention. Là, je suis dans marde, man. Je rejouerai jamais à ça, tu sais. La game est foutue, c'est terminé. Moi, d'ailleurs, moi, c'est vrai, ça a tué Dead Space 1 pour ça. Ah ouais? Parce que j'étais dans Dead Space, j'étais en deux portes, ça a sauvé. La porte en arrière, elle pouvait plus s'ouvrir, c'était complètement barré. Je pouvais juste aller dans la pièce en avant, j'avais plus d'armes, puis c'était une pièce où il y avait à peu près une trentaine de monstres qui m'attendaient. Ah ouais. Fait que là, j'essaye de piocher dessus avec mes pieds, mais comme de fait, il y en a tout le temps un qui venait m'arracher le crâne. Fait que c'est, là, je le réessayais. Puis en plus, ils ont eu mon argent, les salles, parce que je me suis dit, ben, pour me sortir de cette couille-là, je vais aller acheter une espèce de. Tu sais, je vois tout le temps ça. Genre, ils font ça, genre, le pack des biggest fucking guns in the world. Fait que là, tu te dis, je vais avoir un gros gun, ça va péter, ça va être parfait. Fait que là, j'achète un pack de plein de guns qui m'a coûté 5$. Là, je me dis, alright, je vais partir, je vais toutes les plomber, ça va être merveilleux, puis je vais le finir, tu sais. Là, j'arrive. Mon gun, pas de gun nulle part. Fuck! Là, je m'en vais dans la fac, je m'en vais voir ce site de EA. Tu peux juste le faire, tu peux juste avoir ça à une nouvelle game. Ok. Tu peux pas pendant que t'es dans le jeu. Fait que si tu l'ajoutes, ça s'ajoute pas tout de suite. Fait qu'ils ont eu mon cash, ils ont eu mon Dead Space. Quand j'ai vu ça, j'ai comme ah! Là, je suis allé pogner le jeu. Je l'ai vendu, je suis allé me chercher un autre jeu. Venge-toi en jouant à DLC Quest. Ah, ça n'a pas de sens, mais les sauvegardes automatiques, ça devrait juste pas exister. Ou ça devrait être une option. Ben, ça devrait être vraiment dis, ben, très vérifié à tous les niveaux. Là, ben, tu sais, comme un jeu que. Testeur de jeu devrait être. Ou ça sauvegarde, ça fait des sauvegardes automatiques, mais ça te donne le choix des trois dernières. Ben, il y a un jeu qui est impeccable en matière, c'est Heavy Rain, tu sais, que la sauvegarde automatique, il n'y a rien de plus fantastique pour ce jeu-là parce que. T'es tellement dans le jeu. Là. Moi, quand mon pas le temps de t'occuper de ça. Quand mon doute qui a des lunettes du futur, là, pis tu sais, qui voit de l'internet là, dans ses lunettes, quand mon doute est mort dans le cours à scrap, là, je te jure, j'étais allé me coucher, là, pis je shakeais dans le lit. Je peux plus rien faire pour lui, là, il est mort, man. Tu sais, là, quand même, tu sais, j'arrêtais pas de. C'était comme la vie. Tu sais, j'arrêtais pas d'en voir les derniers instants, mon gars, pis j'étais. Tu sais, j'ai fait ce que je pouvais, je peux plus rien. Il est mort! Tu sais, il est mort, man. Puis là, ma blonde, tu sais, le lendemain, hier, t'es-tu avec toi? T'es couché que je chantais que t'étais comme. Est-ce qu'on déménage? Ouais, tu sais, c'est. Hey, t'as-tu un nouveau boss? Tu sais, tu veux-tu me quitter? Non, non, mon dos est mort dans le cours à scrap, pis. J'ai rien. Les affaires de V-Ray, tu peux pas comprendre. Ça, l'automatic save, c'est fantastique pour un jeu de même, tu sais. Au même titre que par exemple, là, moi, c'est pas mon trip pantoute, mais pour Demon's Soul, tu sais, que. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, c'est waouh. Wow, ouais, tu crèves tout le mais temps. Mais pas des jeux plus action, histoire comme Dead Space ou Deus Ex ou Uncharted. Là. C'est comme. Ben, tu sais, il me semble quand tu programmes un jeu, tu sais, pis qu'il y a des testeurs en plus, tu sais, ils peuvent dire à un moment donné, ouais, pour les Automatic Save. Ouais. On va rajouter un petit. Mais c'est parce qu'ils disent tout le temps que. T'sais, t'as pas à t'occuper de ça, fait que l'immersion est meilleure. Ça a tout le temps été ça l'explication. Ouais, c'est vrai. T'sais, pis c'est vrai, c'est totalement vrai parce que t'as jamais entendu. Ben, regarde, comment que ça s'appelle là, le Rage. Ouais. Première critique qui est sortie de tout le monde, c'est ah, y'a pas de save automatique, ben c'est moins le fun. Ouais, là, décidez-vous, Calvin. Ouais, c'est pas. Moi, je suis rétro, ça m'a jamais dérangé de prendre le temps de poser sur Turn Fire Save, tu sais, genre le checkpoint qui est pas trop loin. Le jour qu'on a vu dans un monde parfait là, de jeu, là, je pense, c'est le jour où quand tu vas CV, tu fermes les yeux. Il y a un gars qui a mis des photos de son marathon de Skyrim. Ouais, j'ai vu ça, juste genre des energy drinks pis des chips, genre qui baissent. Ouais. C'est un gars tout seul, ça? C'est ça qui est comique, c'est que le monde, quand je l'ai mis, pis il y a du monde qui m'ont fait comme, ben là, c'est pas drôle, tu sais, il y a rien là. Que c'est que le gars, sur Facebook, il a comme simulé son marathon de Skyrim, mais d'après les photos pis son texte, il y a eu des hémorragies internes puis des vomissements super rapidement dans son jeu, parce que ce qui arrive, c'est que le gars, tu le vois au départ, tu vois sa photo, il dit « Ok, on est prête, là, il y a plein d'energy drink, il y a plein de chips, il y a des snickers, il y a des crêtes de fromage, des potato chips, plein d'affaires, des pleurs de patates, tu sais. » Puis après ça, il dit « Alright, je suis prêt. » Là, c'est comme 3 heures, je viens de commencer les 3 heures de fête. J'ai pris 6 energy drinks. Là, je suis dedans. Les Cheetos me tombent un peu sur le cœur, mais j'ai tué mon premier Golgot ou je sais pas trop quoi. Fait que le gars, il est fier. Et après ça, 6 heures, j'ai commencé un peu à saigner du nez. Je vois double. Je suis pas super bien. Là, tu vois, la dernière photo, c'est comme plein de Kleenex rempli de sang pis de vomi. Pis le gars, comme j'ai des hémorragies internes, ça va pas bien. Je suis mal. Ouais, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est drôle. Je trouve ça merveilleux qu'un gars ait pris le temps de faire ça, parce qu'il y a du monde, c'est tellement. Tu sais, j'ai entendu un gars sur Twitter qui m'a dit « Ah, moi, mon kit, c'est quasiment ça, sauf que c'est pas des Cheetos, c'est des pizzas pochettes. Ouais. » Moi, ça fait tellement l'éternité, j'ai pas fait ça. Ben, moi, ça me ramène dans le temps du Dreamcast, où est-ce qu'on se faisait une soirée de même aussi, qu'on avait le temps, là, tu sais. Mettons, on sortait pas un samedi soir, puis on se faisait une soirée de gaming. Moi, c'était tout le temps mes soirées préférées, parce que je suis tellement pas un gars de club, là, tu sais. Quand on était jeune, on voulait aller clubber pour essayer de checker les chicks. Fait que j'ai tout le temps détesté ça. Donc, mes plus belles soirées, man, c'était avec des sacs de chips et des caisses de bière, en jouant à des jeux, là. Puis quand j'ai vu cette manette-là, cool, avec les crottes au fromage, tout, je me suis dit, wow, ce gars-là, il est en ligne sur une méchante belle soirée. Ah, ouais, mais ça me rappelle les matins, là, que quand je restais à Montréal, justement. Là, on commençait à jouer à Duke of Hazzard sur mon PlayStation que j'avais acheté au Pawn Shop. Puis là, on se regardait et on disait « C'est fou, on a créé ce jeu-là, hein? » On était en train de me battre à 10h du matin. Là, je regardais mon coloc Hero et je disais « Aujourd'hui, on va jouer à Duke of Hazzard. » Ouais, mais man, tu travaillais pas? Quand il est malade. Genre, à 10h du soir, t'es encore sur le même divan, encore plus batté. Ah, avec encore un bat des mains. Ah. On t'est rendu vraiment loin dans Duke of Hazzard. C'est que là, notre chum vient nous voir, genre, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Duke of Hazzard. Un peu Duke of Hazzard. Une fois, j'ai fait ça, moi, avec à l'université, avec un de mes amis. On a décidé qu'on avait des travaux, tu sais, puis il fallait faire ça, puis tout. Puis on a dit, fuck off. À soir, son coloc à lui. C'était acheté Tony Hawk Pro Skater 2, man, au PC. OK. Fait qu'on est allé chez eux, puis on a dit « Fuck les devoirs », on a acheté des tonnes de bières, des tonnes de chips, puis on a joué à Tony Hawk Pro Skater 2, man, pour essayer de réussir tous les challenges, tout ce qu'il y avait à faire. On a joué, man, pendant des heures. Ça a été une des plus belles soirées de ma vie. Ah, c'est merveilleux. Ben, quand tu décides que c'est fuck off, on joue à des jeux, je pense que je vais demander ça en cadeau de fête, moi. Je disais à ma blonde, tu sais, tu sais, pourrais-tu, mettons, je sais pas, tu sais, aujourd'hui. Sacré ton cœur. Pas sacré ton cœur. Mais. Ou, tu sais, essayer d'organiser quelque chose. Tu sais, j'aimerais ça jouer toute la journée. Serais-tu sacré ton cœur. Non, ben, elle aurait dû le pas où aller. Quel jeu, ou, tu sais, on synchronise. Tu veux jouer à Hulk encore, calé, que je veux pas jouer. Tu veux pas jouer à Hulk. Elle veut pas jouer à Hulk. Mais j'aimerais ça, parce que là on a plus le temps, j'aimerais ça revivre, tu sais, une journée de pognage de cul à jouer à des jeux. Mais c'est pour ça que moi j'ai un peu créé les week-end gaming. Les week-ends à tremblant, ouais, mais c'est quand même tough pareil un week-end. Non, c'est tough, mais quand on le fait, puis qu'on réussit à le faire, c'est trippant en maudit. C'est magique, c'est sûr. Parce que justement, pour pas qu'on soit dans notre bulle, j'explique au monde, c'est que on se retrouve une couple de chums, puis pendant une fin de semaine complète, on fait juste du gaming. Même s'il fait beau dehors, que c'est merveilleux, que le paysage est magnifique, on se retrouve dans un condo de luxe, mettons, à Tremblant, puis ils ont fait du gaming, puis ils ont fait juste ça la fin de semaine, boire de la bière, puis manger des cochonneries. T'sais. Ouais, puis il fait soleil dehors, mais moi, on s'en fout parce qu'on descend dans le sous-sol, puis la station, est là, exact. On joue à Kirby, tu sais. Ah non, c'est vraiment... On n'est pas là pour le paysage. C'est ça, parce que tu sais, c'est avec des enfants, puis tout, c'est plus faisable faire ça. Non, pas... T'as tellement de responsabilités, tu sais, tu peux pas dire, ah ben... De la merde, là. Moi, à soir, là, chérie, là, je joue jusqu'à demain matin, puis demain matin, je vais être tout croche pendant toute la journée. Je t'aiderai pas avec. Les journées sont chargées, tu sais, c'est ça. Eh oui, c'est impossible. La vie d'aujourd'hui, moi, je trouve, c'est qu'à chaque fois que tu décides que, OK, à soir, je sors, ou à soir, tu sais, comme je prends une bière, puis je me couche tard, tout, le lendemain, tu payes, là, tellement. Ah oui, tu payes. Tu payes, là, 100 fois plus que quand on était plus jeune. Ah oui, c'est certain. Puis à quel prix, tu sais, comme toi, tu l'as fait pour Duke of Hazard, tu sais, c'est... Ah, moment, combien de journées de travail j'ai manqué. Tu sais, puis là, je savais que j'allais pas payer mon loyer. J'avais, tu sais, je voyais tout ça. Ça commence à stresser, là, quand il commence à revenir à la réalité. Moi, je m'ennuie de cette insouciance-là. Tu sais que, je savais comment cette décision-là, je commençais un engrenage de détresse puis de pauvreté. Mais qu'on s'en crissait parce que c'était le fun, d'où, comme ça. Puis tu sais, c'était cool comme journée, c'était juste cool. Et aujourd'hui, il allait faire ça. C'est merveilleux de pouvoir faire ça. C'est comme, attends un peu, là tu sais... Ça dépend plus juste de moi, là, pis de mon coloc qui s'en fout tellement. Ça, là, hey man, y'a ma blonde, y'a mon bébé, esti, pis là, t'as plus la maison, carrière, t'es comme ouais, ma carrière, hey, pis là, man, l'épicerie, pis esti, c'est fou. Faut que je... Hey, d'où qu'on va se faire, attends un peu, là. T'imagines, il y en a encore du monde qui sont, tu sais, qui sont comme ça, d'après moi, là, que le blonde sont là, c'est comme... Tu lâches-tu ton maudit hello à Marde, comme ah, un autre game, pis là, t'es avec sa gang, c'est ça, online, pis il s'occupe pas de ses kids. Au Japon, je sais pas jusqu'à lequel, c'est encore en vigueur, mais à partir d'un certain Final Fantasy, je vous niaise pas, le gouvernement japonais a émis une loi, ou je sais pas, là, c'est pas une loi, mais une obligation à Square Enix, en tout cas, qu'il n'y avait plus le droit de sortir de Final Fantasy sur les jours ouverts. Wow! Pour pas perdre des journées de travail. Parce que à partir d'un certain Final Fantasy, il y avait un taux d'absentéisme inquiétant dans tout le Japon, autant professionnellement que scolairement. Puis c'est le Parlement qui a fait m'emmener, on dit là, c'est assez, là, il n'y a plus de Final Fantasy qui sort des jours. C'est quand même assez hot, pareil, quand t'es sur Enix, puis tu te fais, il y a une loi qui est votée. Hey, c'est capoté. Ben oui. Tu sais, la seule autre fois que le système de loi, les lois ont été modifiées à cause des jeux vidéo, on va à la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est à cause de l'histoire des 25 cents, puis les machines à boules, là. Mais là-bas c'est tellement important, les jeux vidéo, ça fait partie de leur culture. Ouais. T'sais. Ici, ça commence à l'être, mais le monde voit encore ça comme quelque chose d'immature. Mais c'est correct à quelque part. Moi, je trouve ça correct aussi qu'on soit pas si malade que ça. Là. Ouais, parce que c'est sûr. Moi, je crois en la vie bien balancée. Puis ouais, c'est vie ça. Juste jeux vidéo, c'est pas une vie saine. Ben non, totalement. Vraiment pas. Tu sais, dans la vie, il y a des priorités. Là, puis jamais... Ouais. Que les jeux vidéo vont être ma priorité numéro un, là, on s'entend. Là, c'est clair que ma famille passe avant, mon entreprise passe avant, t'sais, c'est sûr. Bon, ils sont pas loin en arrière, par exemple. Ils sont tout le temps là. Ils sont capables d'attendre. Ma joke avec Julie, c'est souvent mes priorités, c'est toi puis Charles, ma job et les jeux vidéo. Ben, c'est un peu ça, là, effectivement. Ouais. Il arrive vite quand même, les jeux vidéo. Ben, ça aurait pu être ton char. Il arrive après toi, chez moi. Ouais. Mais c'est parce que ça aurait pu être ton char aussi, là. C'est un hobby comme un autre. T'sais, moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ben, moi, j'aime pas le sport, t'sais. J'aime pas les chars. C'est ça? Tu sais, mon beau-père, là, il tripe ses chars, OK? Ouais. Il passe, là, il s'achète une vieille MG de 1960. Ben, crime, il passe 5 ans à... Toutes ces temps libres à acheter des pièces originales pour l'orniper pis à mettre vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Pis j'ai vraiment admiration aussi, tu sais. Pis là, après ça, quand il a fini de monter sa MG, là, que tu sais, là, il a fait de quoi de génial. Il achète une vieille moto, puis là, il la refait là, comme elle était à l'origine. Ah, c'est pas de bon sens. Mais sa femme, il dit probablement, t'as lâché-tu, t'as foutu ferraille. Ben, tu sais, c'est ben, il faut que la femme soit en accord avec ça. Oui, ta femme va être en accord avec ça, mais à un moment donné, c'est sûr que... Tu sais, c'est un hobby qui est aussi prenant, genre une passion comme ça va tout le temps finir par gosser quelqu'un au final. Toutes les hobbies, c'est ça. Toutes les hobbies, ça gosse. T'sais, imagine quelqu'un qui tripe ses timbres, là, à quel point sa vie est un calvaire. Ben, tu sais, c'est d'essayer de pas écœurer son partenaire avec ça. Là, ouais. Moi, souvent, tu sais, je joue pas, là, puis on a des faut qu'on en parle, tu sais, faut que je joue, tu sais, pour pouvoir parler de quelque chose, puis je me sens mal, tu sais, par rapport à ça. C'est vraiment comme une balance à gérer là, mais continuelle là, tu sais. Pas que ma blonde me fait la gueule, elle me fait jamais la gueule, tu sais, elle est vraiment pas tough là à ce niveau-là, tu sais. Jamais qu'on s'est chicané, tu sais, pour des jeux vidéo, tu sais, parce que je sais à peu près où. Ah ouais, tu sais. Un moment donné, je sais qu'elle va écouter, mettons, une émission le vendredi. Bon, là, c'est le temps de jouer un jeu rétro dans l'autre salon, là, tu sais, sur l'autre TV. Là. La misère avec les jeux nouveaux, par exemple. Parce que mon PlayStation et ma Wii sont sur la TV principale. C'est bien dur, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai deux machines. Là, ouais, c'est moi, ça prend deux TV, en fait. Mais non, vraiment. Moi, pour ça, c'est ça. Moi, ma blonde, elle comprend, puis tout ça. Mais c'est moi qui prends comme la décision à un moment donné de faire ben de la merde, genre quand tu vas être couché, moi je vais faire mes affaires, tu sais. Puis ça dépend, il y a des exceptions. Vous êtes couche-tard, vous autres, toi, Joël, t'as de l'air de te coucher à 2h du matin. Ah, moi tout le temps, là. Ah, je sais pas comment tu fais, là. Ah, je sais pas non plus. Ben, tu travailles chez vous, par exemple. Moi, je travaille chez vous. Tu fais une petite somme l'après-midi. Moi, ben, tu te lèves à 10h, tu sais. Non, je me lève à. Soit, à l'heure du bébé. Souvent, c'est ça, c'est lui le matin qui part la journée à Lyon avec Charles. Ouais. Mais c'est sûr que quand il fait sa sieste du matin ou que je vais le porter à la garderie, tu sais, au pire, j'écris à mes collègues à Québec, à Montréal, puis je dis ouais, tu sais, t'as le papier là, que j'avais dit, on va voir un ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Tu sais, il ne m'en demande pas plus. Ouais, mais, c'est ça. Ouais. J'allais faire ma sieste, hey, là, je rattrape. Mais tu sais, mais ça, c'est con, hein, mais c'est la discipline en crise parce que souvent, au début, là, quand j'ai commencé à faire ce job-là, ben, au lieu de faire ma sieste à 10h ou à 11h, ben, je gamais, tu sais, j'en profitais en me disant j'ai une petite heure de gaming. Le soir, genre game, là, tu sais, je me couche tard, là, tu viens full fatigué, full irritable. Ouais, exact. Puis là, tu sais, c'est ça, là, t'achètes des DLC par rapport parce que tu t'es plus pas en toute conscience de rien, t'es comme drogué au bout. C'est parce que des fois, ça arrive aussi, c'est tu te couches, puis là, tu fais comme, je suis pas si fatigué que ça finalement, puis là, tu penses à ton maudit jeu, tu sais. Jeux sont un stimulant aussi. Il y a des jeux que tu joues, puis tu te couches, tu sais, puis c'est comme si tu venais de boire un café. Là, ben, Heavy Rain, c'est un bon exemple, moi, là. Je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là. Moi, je l'ai vécu pleinement. Tout le temps que j'ai joué, là. À chaque fois. Je me couchais les nerfs en boule. Hey, tu t'en vas aux toilettes? Ben, faut que j'y aille, là. Non, mais je pensais qu'on faisait une conclusion, mais ben on dirait que c'est terminable, puis qu'il est rendu minuit et quart. Rendu minuit et quart? Oui. Tabarnouche. T'es sérieux? Ah ouais. Ça va être probablement l'épisode le plus tough à monter. C'est clair. Écoutez ça, je saurais pas trop mettre les chapitres. Ça va être fucké. Ben, merci, Joël. Ouais, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, les gars, d'avoir semé le chaos. C'est bien cool. Yes. Puis toutes les fois que tu passes à Montréal, certain. Laisse-nous savoir. T'es on tout va le faire temps, t'es tout le temps le bienvenu. Ben, vous allez être obligé de venir au lac. Ben, je sais pas comment ce qu'on va faire. À part le planifier en vacances d'été. Non, on sait pas. C'est quoi à faire l'été là-bas, à part ça, geler le cul dans le lac? C'est capoté. Ouais, hein. C'est capoté. Mais encore. Je vais aller, on va y aller, man. Ben, je vais aller à Dan. Non, mais sinon, on se fera. Skype. Ben oui, hey, mais merci de ce beau moment. Moi, je suis content, c'était le fun. Yes, ben, ça nous fait plaisir. On est des grands amateurs de toi. Tu nous fais bien rire. Fait que pour nous. En personne, je suis un peu plus gros. Non, t'es pas gros. Non, je te trouve en forme. Ah ouais, non, t'as l'air en forme. T'as l'air bien en forme. Fait que, good job, continue avec Fun Jouer Jeu. Mais... On vous suit. Ouais. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça. Boing boing. Ouais, ça, on a tous les yeux petits. C'est clair. Fait que on va aller se coucher, même si vous écoutez probablement ce podcast-là à 10h le matin. Fait que. Ça fait genre 5 bières quand je bois. Ouais, c'est ça. Tabarnouche. Fait que merci à tout le monde. Merci encore de votre support. On est super contents d'être revenus et que vous puissiez downloader le podcast en moins de 4 heures. Puis un jour, vous pourrez le downloader en fermant les yeux. C'est clair. Parfait, salut, à la semaine prochaine. Bye. Retro Nouveau.